Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus bon que ton nom. Rien n'est plus sain que le sang. Alléluia. Donc, ce soir, demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de manger encore à sa table. Amen. Seigneur, donne-nous ce soir de la nourriture pour laquelle tu nous as appelés ce soir. Tu nous as réunis. Merci pour cette glorieuse pluie que tu as amenée au Dieu de gloire sur la ville. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour le frère avec qui tu es allé, tu es rentré. Merci, Père de gloire, parce que c'est toi qui as conduit jusqu'ici à la maison. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Réunis nombreux aussi devant de toi, Père, nous nous prosternons tous pour te louer, pour t'exalter, pour te célébrer. Bien plus, Seigneur, nous voulons, ô Dieu, afin que toi-même, tu nous apprennes par ton esprit comment vivre pour t'être agréable. Car tu veux, ô Dieu de gloire, que nous marchions dans la sainteté. C'est toi qui as dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Révèle-nous, ô Dieu de gloire, si tu trouves des choses encore dans nos vies qui ne te glorifient pas. Daigne-nous les montrer, Père de gloire, afin que nous nous en dégagions au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, ouvre notre entendement. Et ce soir, Père, nous comptons particulièrement sur toi, Père, pour les questions qui sont posées. Car tu as dit que lorsqu'on vous posera des questions, ne préméditez pas ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit parlera au-dedans de vous à ce moment-là précis. Saint-Esprit, nous comptons sur toi ce soir. Dirige tous ces moments, Père, pour ta gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir bien, amen. Donc, première question ici. Comment pratiquer la Sainte-Cène? Vous voyez, c'est vrai, oui. Comment pratiquer la Sainte-Cène? Il y a au moins deux ou trois enseignements là-bas. Il y a l'enseignement vidéo. Il y a des enseignements et des précisions là-dessus. Frère, s'il te plaît, quand est-ce que le mélange des deux semences a commencé? Genèse 4, 18 ou à partir des... de Genèse 6, 2. Non, suivez attentivement. Dans Genèse 6, il est dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, je réponds rapidement quand c'est facile, hein. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, ce n'est pas dans Genèse 6 qu'ils ont commencé à se multiplier, parce que depuis le chapitre 7, on dit que, souvenez-vous de cela, des choses se passent sur des centaines d'années. Au chapitre 4, on dit que Caïn est allé à la terre de Nod, hein, là-bas, quoi. Regarde, il a pris une femme. C'est ça, n'est-ce pas, hein? La personne s'y dit, frère, s'il te plaît, quand est-ce que le mélange des deux semences a commencé à partir de Genèse chapitre 4, verset 18 ou à partir de Genèse chapitre 6, verset 2. C'est dans cet intervalle-là, puisque Genèse chapitre 6 a de nous raconter l'histoire, Dieu nous dit ce qui s'est passé et là où pourquoi il veut prendre l'ascension. Dans ce Genèse chapitre 4, il est question de Caïn qui est allé, il a pris une femme. Ça devait poser la question. On a dit qu'il a tué son frère. Et il y avait Adam, il y avait Ève. Il a tué son frère, on pense qu'il était seul. Ok, il est allé au nord, donc, à l'Orient, il a pris la femme, où? C'est parce que là-bas, le Saint-Esprit s'intéresse sur les deux personnes. Adam et Ève ont eu des filles. Et là, on a pris une de ses demi-sœurs. Donc, au nord, à l'Orient, c'est sa femme là-bas. Donc, sa demi-sœur était sa femme. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Sa femme n'est pas tombée quelque part, comme ça, bien dans cette grande spéciale que Dieu avait créée. Maintenant, c'est avec lui, donc, lui et cette femme-là qui vont créer. Dans cette zone-là, elle commence à se multiplier. Comme vous voyez, sa lignée qui est là-bas avec les mecs et autres là-bas. On dit donc, là, Genèse chapitre 6 montre comment le mélange est entré. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, comme on a raconté au chapitre 4, au chapitre 5, les fils de Dieu, la lignée, c'est le vrai problème, c'est que la lignée de Seth a commencé à prendre les femmes chez eux. C'est n'est-ce pas? Parce que les femmes sortaient là, c'est belle. Si vous voulez, si ça vous dérange, prenez seulement les magazines de mots. Vous voyez les femmes qui sont là-bas. Comparé à la beauté des sœurs chrétiennes, vous allez voir effectivement que ce qui est de la mode frappe à l'œil. Regardez Trust, regardez comment le mondain, quand il s'habille avec ça, enfin, laissez même au niveau des femmes, prenez les pommes de terre ou bien les oranges naturelles, Vous prenez les oranges greffées, regardez, laquelle est plus qui frappe à l'œil. Qu'est-ce qui frappe à l'œil? Ok, greffé. Prenez les tomates, même chose, qu'est-ce qui frappe à l'œil? Regardez les beautés éphémères du monde, des jeunes filles, quand on fait les beautés du monde, ou les choses qu'on dit Miss Monde ou Miss Cameroun, regardez bien ce qui défile. Et regardez les jeunes soeurs au milieu de l'église, regardez, laquelle est belle? Celle du monde, c'est ainsi. C'est pour cela que vous voyez que les chrétiens ont toujours le cœur du Fils de Dieu va toujours glisser là-bas. C'est ce qui s'est passé à la Genèse. Lorsque les hommes commencent à se multiplier et que les femmes leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prient pour femmes. C'est là le mélange est arrivé. Donc c'est dans cet intervalle. Donc souvenez-vous, quand on parle dans Genèse chapitre 4, chapitre 6 là, il ne s'agit pas de là que ça a commencé. Puisque les gens savent que c'est une multiplication, c'est quelque chose qui s'est passé constamment. Et on parle du mariage. Donc, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris pour femme celles qu'ils ont choisies. Donc ils ont pris pour femme. Ce n'est pas que tout juste qu'ils ont allé faire le rapport, non. Mais j'ai une question ici. Donc j'ai une question là-bas que je n'ai pas encore répondu. Qu'est-ce que la Bible nous dit exactement à propos du panier des offrandes dans les assemblées, ou pour être plus explicite, des dons financiers volontaires mis à côté pour l'utiliser en cas de besoin, car nous le faisons et justifions cela par 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 16, l'apôtre Paul commence, il dit que pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, je vais entendre quelqu'un dire la collecte. Encore, la collecte. Agissez, il dit, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui, selon sa prospérité, ce qu'il pourra, afin qu'on n'attende pas que je vienne pour faire les collectes, pour faire les collectes. Et je vais envoyer à Jérusalem avec les personnes que vous aurez agréées avec ces offrandes. Si vous, c'est nécessaire que moi j'y irai. Et dans cet acte, c'est ce qu'il en est raconté dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, dans Romains chapitre 15, il réitère la même chose. Et dans Actes des Apôtres, il dit qu'effectivement, il a des parties pour le service des saints. Au chapitre 15 des Romains, allons-y là, rapidement, là, voir ce qu'il dit là-bas. Avant de répondre à cette question, c'est une très bonne question. Je crois que dimanche, il faut qu'on entre dans ces choses-ci. J'ai dit Romains, c'est ça, non? Romains, le chapitre 15. Romains, le chapitre 15. On y va. Tout le monde y est, n'est-ce pas? Romains chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 22. Il dit, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant pour quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, oui, à l'heure qu'il a déjà parlé, présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. C'est ça, n'est-ce pas? Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer, remarquez très bien, je veux que vous notiez cela, s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, si vous lisez Actes chapitre 19 et Actes chapitre 24, c'est ça dont il est question, où il a déjà parlé de ces choses là-bas. Verset 27, c'est terrible, là j'ai souligné tellement de choses qu'il n'y avait pas le mot qui est là-bas. C'est elle long, c'est ça, c'est elle long. Voilà. Elles l'ont bien voulu et elle le leur devait. Écoutez très attentivement. Alors, vous l'avez fait entrer dans les offrandes, les mais je vais glisser, je vais répondre à cette question et puis je vais sortir là rapidement. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, vous entendez ça, frère? Ils doivent, vous avez vu, ils le doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Écoutez très attentivement. Verset 31. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que, deux sujets de prière, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Amen. Amen. Amen. C'est ça. Ça devait faire frémir les chrétiens au niveau de ce qu'on appelle vraiment libéralité. Ça devait faire frémir les chrétiens. Bon, je reprends encore la question, comme le contexte est déjà bien positionné. Je relis la question ici, puis on répond à la question. Qu'est-ce que la Bible nous dit exactement à propos du panier des offrandes dans les assemblées? Ou, plus exact, plus, ou pour être plus explicite, des dons financiers volontaires mis à côté pour l'utiliser en cas de besoin. Quand nous le faisons et justifions cela par 1 Corinthiens 16. Il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui au milieu des saints qu'on n'a pas appréhendé. C'est comme je vous avais dit ici dès le premier jour, il faut prendre tout le tableau comme complet. Vous voyez? Maintenant, quand vous allez lire la Bible, c'est cité, vous allez saisir de quoi il est question. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 25 à 29, vous allez remarquer que Agabus va venir au milieu de l'assemblée. Il va prophétiser qu'il y aura une famille, n'est-ce pas? Et puis, il déclare que cela arrivait en effet sur Claude. On dit, les disciples qui étaient là-bas à Antioche s'imposaient des contributions. Pourquoi? Pour envoyer aux saints qui sont dans toute la Judée. Parce que ce sont les gens de la Judée qui avaient beaucoup plus les problèmes, ces problèmes-là. Alors, au milieu de l'église du Nouveau Testament, pour répondre à cette personne-ci, la personne parle de qu'en est-il à propos du panier des offrandes dans les assemblées. La pratique du culte au milieu de l'assemblée ne se faisait pas avec des paniers réguliers. C'est ça, n'est-ce pas? Vous ne verrez pas cela. Mais ça se fait lorsque il y a une nécessité. Donc, c'est la nécessité qui pousse la chose. On ne fait pas, il n'y a pas de caisse de prévoyance sociale des saints. Il n'y a pas de caisse de prévoyance pour prévoir que c'est un saint. C'est ça qui a amené ces choses, la cupidité au milieu de l'église. Il n'y a pas un panier au milieu de l'église que si il faut qu'on mette une caisse là-bas, que si le saint on prend, là-bas. C'est ce qui montre qu'il faut qu'on fasse confiance au Seigneur. C'est-à-dire que si le Seigneur, si il y a un problème qui est suscité, les saints doivent pouvoir. Le problème est ici, Dieu trouve la solution. Le fait qu'on met, prenons un exemple, on fait une caisse ici, on met 100 000, un frère un problème de 3 millions, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Alors ça veut dire que nous serons à notre force là maintenant et nous pourrons non plus résoudre son problème et nous serons dans le désarroi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous prions comptant sur le Seigneur que si un problème est suscité, le problème sera résolu. Vous cessez, n'est-ce pas? Donc, au milieu des chrétiens, il n'y a pas de caisse de prévoyance. La notion de caisse telle que vous voyez là où la caisse de France est venue en 15 ans avec la reine Elisabeth. La reine Elisabeth d'Angleterre, c'est elle qui a amené ça. Vous savez, c'est elle qui est la chef de l'église de l'Angleterre. Vous savez au moins ça, n'est-ce pas? C'est la reine Elisabeth qui est la chef de l'église anglicane. En Angleterre, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Ou bien c'est qu'il y a d'église là-bas, je ne sais pas. C'est elle qui a amené cela dans l'église. On a commencé à faire les offrandes comme ça, dans le panier comme ça. C'est resté aujourd'hui. Les gens justifient maintenant en prenant le livre de Luc, où jusqu'à on a mis dans le tronc, on a mis deux pièces dans le tronc. Ce tronc-là, si vous lisez le livre des rois, lorsque le temple avait été détruit, on a mis une caisse là-bas pour que les gens mettent les offrandes volontaires pour la reconstruction. Joseph a fait cela seulement pour reconstruire le temple. Surtout, c'est devenu l'habitude au milieu des Juifs maintenant. Vous savez, n'est-ce pas? Mais dans l'église, ce n'est pas comme ça. Remarquez très bien, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 16, que cette façon s'est écrite. L'apôtre Paul donne plutôt l'annonce que, ok, comme vous avez décidé, parce qu'il a été écrit aux Corinthiens, l'épître des Corinthiens. Souvenez-vous, la Corinthe, c'est le port oriental de la Grèce antique, de l'Achaïe. Et ici, dans ces Romains, on a lu que la Macédoine et l'Achaïe ont voulu eux-mêmes s'imposer des contributions pour les saints qui sont à Jérusalem. Parce qu'ils reconnaissaient que l'évangile est sorti de Jérusalem. Donc, ils reconnaissaient que leur source, c'est là-bas. Comme Jésus, notre Seigneur, a dit que le salut vient des Juifs. C'est pour ça qu'il a dit ici qu'il le leur devait. Parce que les païens ont goûté à leur grâce spirituelle qui coulait de Jérusalem pour là-bas. C'est n'est-ce pas? Donc l'apôtre Paul dit ici, par rapport à l'Achaïe, comme il a dit ici dans 1 Corinthiens 16, il dit, pour ce qui concerne la collègue en faveur des saints, parce qu'il demandait effectivement comment ça allait se passer. L'apôtre Paul a écrit, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Vous voyez, n'est-ce pas? Dans la Macédoine, la Galatie, l'Achaïe, tout entier, c'est le même ordre. Ok, qu'est-ce que vous faites? Chacun de vous, chez vous, selon sa prospérité, gardez ce que vous pouvez. Le jour que vous réunissez, mettez le panier ensemble. Là, pourquoi il y a les administrateurs, donc les diacres dans l'église. Vous mettez ensemble la collecte, ce que vous aurez imposé. Vous tournez ça au diacre, afin que quand il va venir, donc, comme il a montré à Jérusalem, si vous voulez qu'il part avec un de vous pour aller là-bas pour donner ce que vous avez donné. Remarquez très bien que ce n'est pas pour l'apôtre Paul. Alors maintenant, la collecte qu'on fait aujourd'hui, au milieu de l'assemblée, ça sert à quoi? Vous allez entendre quelqu'un dire qu'on fait ça pour prendre tout ce pays dans la lumière, acheter le ventilateur pour construire le bureau de procès. Et ça n'a rien à voir. Donc, l'offrande dans la Bible, a deux sources, ou bien deux indications, deux orientations. Deux, il n'y a pas plus de deux. Dans la Bible si. Pour ce qui concerne l'Église, l'offrande n'a pas deux façons. L'offrande, c'est pour les saints qui sont dans le besoin. Un. Et deux, c'est pour les saints qui vont de lieu en lieu. Donc, comme les gens qui voyagent. C'est ce que la Bible nous montre. On va lire tous les versets si vous le voulez. Mais comme vous êtes déjà trop sages, vous savez de quoi ils sont de parler. Pas vrai, frère? Amen. Dans un discours, vous savez de quoi les questions. Donc, voilà les deux buts pour lesquels l'évangile est donné. Si vous lisez le livre de Tite au chapitre 3, les versets 11 à 14, ça se trouve là-bas. On parle de Démas, le docteur de la loi, que pour voyer à leurs besoins. Pour les voir, parce que c'est pour les voyageurs qui sont partis sans rien demander aux païens. Vous voyez? Dans le livre des gens, il parle de Gaïs. Là, on a vu comment vous recevez les saints comme ça. Là. C'est bon. C'est notre frère. Donc, il n'y a pas deux buts. C'est la Bible qui présente. Si comme quelqu'un voit la philosophie aujourd'hui, et si telle personne a fait comme ça, si quelqu'un a vu son genre, il vient. Comment nous avons suivi, comme la maman a dit, que la chorale a contribué 1 million. Un jour, on a raconté qu'on a volé l'argent dans la caisse, 1 million. Que c'est parti. 1 million, je faisais quoi dans la caisse? Et vous avez remarqué que dans ces assemblées, il y a quelqu'un qui souffre là. Mais parce qu'il n'est pas, la personne n'a pas de carte ou on a noté son nom qui donne des choses, il ne peut pas avoir quelque chose. Ils vont avoir des veuves là-bas qui sont des souffrir, des enfants qui sont des souffrir. L'argent, ils prennent l'argent, ils brassent les pastes, ils font le business derrière avec l'argent. Ils achètent l'argent, ils vendent dans les banques pour avoir les intérêts dans les sucres. Bien que la Bible interdit clairement cela, qu'on n'a pas donné les choses en intérêt. Ils font ça. Pour brasser, brasser. Donc voilà, quand le pasteur prospère, on dit que wow, notre pasteur, l'argent, il ne sait pas que c'est leur argent par lequel il prospère comme ça, la cupidité. Donc voici ce qui se passe en résumé. Lorsque les frères sont dans le besoin, remarquez très bien que ceux qui ont contribué, ce n'était pas pour leur assemblée. Ils ont contribué pour une autre assemblée. Vous êtes ici, par exemple, vous êtes fort. Vous entendez, par exemple, que les frères de Bouddha sont en train de souffrir. Il y a des frères là-bas qui manquent de choses. Vous vous imposez, on ne vous impose pas. Vous vous imposez une contribution. Pas que chacun donne un taux. Il n'y a nulle part où on a fixé un taux. On dit chacun donne selon sa prospérité. Donc vous dites que, ok, il faut qu'on envoie quand même quelque chose chez les frères. Vous contribuez comme ça. Souvenez-vous. Les gens n'ont pas besoin d'adhérer à vous. Ils peuvent être avec vous pour se le faire. Il suffit qu'ils soient des frères. Amen. Alors, vous imposez cela. Quand vous allez collecter, vous regardez aux gens qui sont intègres. Vous déléguez quelqu'un pour aller là-bas, lui donner que voici ce que les saints de Baphisme ont voulu s'imposer pour vous. C'est ce que le Seigneur veut. Amen. Voilà. Je crois que pour la question, ça a été un peu plus clair. Donc, le panier continuel, permanent et perpétuel au milieu de l'assemblée n'a pas sa place. Voilà. D'abord, vous, si vous voulez même regarder ça, vous ne verrez ça nulle part dans la Bible. Vous, je ne sais pas comment vous allez soutenir. Parce que le verset qu'on a mis ici, c'est que pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, la collecte en faveur des saints, ça devait régler le problème déjà. La collecte en faveur des saints. On fait la collecte pour les saints. Dans les apôtres, chapitre 6, lorsqu'on faisait, depuis le chapitre 4, on voit effectivement qu'il a des choses qui se faisaient tous les jours. N'est-ce pas? Quand on vendait de la. Quelqu'un vendait des champs, on venait déposer au pied des apôtres. On faisait la distribution selon ce qui était. C'est les apôtres qui le faisaient parce qu'il n'y avait pas encore les diables. Lorsque les diacres ont été institués, subitement, la charge est descendue vers les diacres qui devaient s'occuper de cela. Eux, ils devaient s'occuper de la parole et de la prière. C'est ça, nos frères. Et donc, là, nous voyons effectivement que la décision se faisait chaque jour selon le besoin de chacun. C'est-à-dire qu'au milieu d'eux, et la Bible déclare qu'il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Parce qu'il y avait l'équilibre. Personne n'avait plus que l'autre, personne n'avait moins que l'autre. Chacun était dans son besoin. Souvenez-vous de cette distribution, c'est lorsque Dieu a parlé de cela dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il y avait la manne dans le ciel qui tombait, personne ne méritait rien. Si tu pouvais manger 4 brouettes, prends les 4 brouettes, tu manges, ça sera ta part pour le jour. Mais si quelqu'un tient de manger, que tu sors de jeûne, tu dis, je veux manger seulement 2 cuillères, tu prends 2 cuillères. Selon qu'il est écrit, celui qui en prenait beaucoup n'avait pas plus, celui qui en prenait moins n'avait pas moins. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça veut dire que tout était nécessaire. Dieu met la manne sur le ciel. Vous posez la question maintenant pour que vous compreniez cette histoire de caisse pour provenance sociale. Dieu sort les Juifs. Il les fait sortir là-bas. Il arrive là-bas, il lui donne cette chose de ces graines de coriandre là qui sortent sur les plans dehors. Sans qu'il n'ait jamais pensé à cela, Dieu dit que voici ça. Mais voici une loi à ce sujet. Ne prenez pas plus. Vous allez prendre seulement la nourriture pour un jour. Il y a des gens qui restent comme ça que Moïse. Les graines là sont sucrées comme ça. Moïse dit qu'on prend seulement pour un jour. Les gars restent comme ça que Moïse. Moïse nous a vu, non. Ils sortent comme ça doucement, doucement. Comme il raconte les histoires. Les gens sont là, ils sont faim. Il dit que le gars prend pour lui pour aujourd'hui, prend pour l'autre. Pour l'autre jour, il garde. Quand celui-ci prend, je veux que vous compreniez l'implication spirituelle par rapport au Nouveau Testament. Quand il prend cette chose-là, il garde d'écouter en mangeant celui-ci. Qu'est-ce qu'il a de dire à Dieu par rapport à ce qui est là-bas? Selon vous. Qu'est-ce qu'il veut dire cette personne-ci? Vous savez de quoi je suis parlé? Au moins, vous avez lu Exode, non? Ok. Quand cette personne-ci prend une assiette de cette manne-là, il conserve. Il mange aujourd'hui, il reste tranquille. Pourtant, la loi a dit, vous n'allez pas conserver pour un jour. Vous allez prendre seulement, quand tu sors dehors là, quand tu prends ce que tu vas manger ces jours-là. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur apprendre que vous devez dépendre de lui. Ne comptez pas que vous allez protéger quelque chose pour vous pour demain. Et la preuve est que ceux qui protégeaient cela, ils venaient que c'était infecté. Ce qui était à la maison était infecté, ce qui était dehors était toujours là bien. pour montrer que l'homme ne vivra pas de peur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est l'implication par rapport à nous? Nous qui avons la révélation. Nous qui avons dit, il a dit clairement, ne vous souciez pas du lendemain. Ici, il a été un peu plus clair, pas vrai, frère? Ne vous souciez pas du lendemain. Et quand ils disent là, au milieu chrétien, on va s'asseoir comme ça, quelqu'un va dire que, et si demain, là, un problème, une situation arrive, comment on va faire? Il a dit, ne vous souciez pas du lendemain. Il a dit, ne vous souciez pas. Le lendemain aura soin de lui. À chaque jour, suffit sa peine. Si quelque chose arrive, Dieu a voulu que cette peine-là arrive, c'est ce jour-là. Alors forcément, il y a quelque chose là. Souvenons-nous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tel frère souffre, qu'est-ce qu'on doit faire? Il va susciter. Alors, quand la famine est venue sur Claude, là, les frères qui étaient à la Judée, s'ils avaient pensé pour garder n'importe quelle nourriture, ils auraient pensé que la nourriture viendrait d'Antioche. N'est-ce pas Dieu qui leur a mis à cœur d'envoyer quelque chose là-bas? Ils pouvaient penser, c'est pas maintenant comme on a le téléphone où on pourrait appeler pour dire que vous avez souffert. Dieu les met à cœur par rapport à tout cela. Alors, est-ce qu'ils avaient conservé quelque chose pour eux pour dire qu'on va, il faut qu'on garde cela? Non, ils n'ont pas fait cela. Ils comptaient sur Dieu. Comme ils sont dans les saints, et si un membre souffre, tous souffrent ensemble. Si un membre est dans la joie, tous sont dans la joie. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui fait le temps que ça montre clairement par rapport au niveau de la foi où on se trouve. Le manque de foi évident. C'est-à-dire qu'on peut dire que ce Seigneur Jésus est vivant. Il est puissant, il nous garde, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il a dit, ne vous souciez pas du lendemain. Il a dit ça, frère. Nous sommes jeudi. Ouais, je vais manger quoi demain? Il faut garder la nourriture demain parce que demain, ça peut être grave. On est en train d'annoncer qu'il y a la grève demain. Peut-être les boutiques ne seront pas ouvertes. C'est ce que Dieu lui t'a dit. Ça, c'est le journal qui a parlé comme ça, frère. Donc, il y a la réalité, il y a la vérité. Vous savez ce que quoi, c'est que Isaac a eu? Il y a eu la famine dans le pays jusqu'à ce qu'il lui descende. Il a senti que Isaac, tu penses vraiment que le bénédiction d'Abraham, là, ça va venir cette année-ci? Il dit que quittons ici, Dieu dit que reste dans ce pays. C'est ici que je vais te bénir. Vous entendez ce que Dieu dit? Au milieu du désert, au milieu de la famine, il dit qu'il va le bénir là-bas. Ça veut dire que si la famine vient, ce n'est pas pour tout le monde. Si la grève vient, si les temps difficiles viennent, ce n'est pas pour tout le monde parce que Dieu est au courant que ses enfants sont là. S'il y a la souffrance sur la terre, tous ne souffrent pas de la même façon. L'enfant de Dieu souffre, mais pas de la même façon comme les païens. Parce que nous souffrons, nous connaissons que notre Dieu à tout moment peut changer la situation. La Bible déclare que quand ses bergers à lui creusaient, quelque chose, il touchait la terre comme ça, il n'y a plus. L'eau sort du sol. Parce que l'eau, en ce moment-là, c'était les mines d'or. Il faut avoir de l'eau pour pouvoir arroser, nourrir les quatre. Quatre. C'est en français, c'est en anglais, ça. Quatre, c'est quoi ça? Les bœufs qu'on fait, ils ont dit quoi? Le groupe là. Le troupeau, merci. Ça, c'est que je. Donc, il faut avoir de l'eau pour les nourrir, c'est pour les désaltérer. Si on ne les désaltère pas, ils vont mourir. Et c'est ça, c'était la richesse à cette époque-là. Donc, avoir un puits était un problème. Déjà, remarquez que nous avons les pioches pour creuser aujourd'hui. Imaginez un peu dans cet état, dans ce temps-là, comment il fallait couper un arbre. Vous vous souvenez dans le livre du roi, quelqu'un a dit qu'il a seulement loué une hache pour pouvoir couper l'arbre, que c'est fort, celui-là, on va le mettre en prison pour ça. La hache. Parce que pour avoir un bout de fer, c'était un problème. Vous cessez, n'est-ce pas? Donc, pour avoir un fer, pour creuser des puits, pour avoir de l'eau, c'était. Mais lui, quand c'est serviteur, il suffit que tu sais. Comment ça s'appelle? Isaac te prend que tu es mon serviteur. Il dit, va me creuser le puits là. Quand il a dit ça, tu es mon serviteur. Donc tu creuses là, l'eau est là. L'autre personne qui est dans la rue, que tu sois n'importe comment. Tu pars, tu creuses à côté de cela, tu creuses. Lui creuse à 2 mètres, tu creuses 100 mètres, 100 mètres. Tu sens que celui-ci est un sorcier. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il reste dans ce pays là. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut qu'on ait confiance au Dieu que nous sommes en train de servir. Ayons confiance que s'il y a n'importe quelle situation, nous ne servons pas n'importe quel Dieu. Souvenez-vous de ce qu'il a dit dans la Bible, des promesses qu'il a données. Mais tous les cheveux de vos têtes sont. Compter. Il a compté, s'il a pris le temps de façon minutieuse de compter les cheveux. S'il a pris le temps et que nourrit les oiseaux chaque jour, alors combien il faut besoin de nous? C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Vous voyez, n'est-ce pas? L'oiseau quitte chaque matin, vous voyez, je me suis rendu compte que quand je suis sur le balcon, je vois qu'il y a un oiseau qui quitte, un grand oiseau noir là. Il vient là-bas, se met dans la cour, il commence à picorer. Quelqu'un lui a dit qu'il y avait la nourriture là-bas. Il sort, quelle est la probabilité pour qu'il ne se dirige pas ici? Il sort comme quand il fait sa volonté, le Saint-Esprit dit comme ça. Il vient là-bas, il s'assoit. Et quand il finit de manger, il s'assoit sur le câble. Observez ce moment, vous ne savez pas ce que vous observez. Il dit waouh, waouh. Tu peux prendre le câble, le chasser. Il a dit remercier Dieu pour ce qu'il vient de faire. Il ne savait même pas que tu pouvais partir aujourd'hui. Tu m'en as donné. Merci Seigneur. C'est ce qu'il dit. Et nous, quand nous mangeons, nous croyons que c'est évident que nous ayons la nourriture. Quand nous mangeons, on croit que c'est évident que nous ayons la nourriture. Qu'on tombe sur le Seigneur. Parce que quand la détresse arrive, ce n'est pas sur tes avoirs que tu peux t'appuyer. Ce n'est pas sur tes relations que tu peux avoir, parce que la relation peut lui-même être secouée. C'est sur le Seigneur, celui qui n'ébranle pas. Mais c'est celui qui ébranle les royaumes. Lorsqu'il y a la sécheresse, il a envoyé Élie que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Si c'était Élie qui voulait savoir que, comme la sécheresse arrive pendant 3 ans, il faut qu'il n'ait pas creusé un puits pour garder quelque chose là-bas, il aurait fini, il pouvait se tenir. Le balaké, il se trouve en plein. Il n'a pas de maison, il n'a pas de truc. Mais Dieu dit qu'il a ordonné au corbeau. Je vous pose la question. Le corbeau prépare la nourriture. Il a pris le pain au frère. Mais c'est quand même terrible ça. A-t-il changé? Alors quand il s'est fini, il dit que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand il envoie même là où, quand il entre, il n'y a pas la nourriture. Mais il dit qu'il a ordonné qu'on nourrit là-bas. Il ferait un désert là où il n'y a pas de désert. Il ferait le temps dans le désert. Il ouvre le chemin là où il n'y en a pas. Il aplanit les montagnes. Ouais, là, il comble les vallées. C'est ce que Dieu est. Il agit là où l'impossibilité humaine ne pouvait même pas passer. Alors il dit que j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Tu parles à la veuve, dit qu'il n'y a que deux, un petit cru comme ça, un petit cru comme ça pour mourir. Et Dieu dit que c'est là où il a ordonné qu'on nourrit. Parce que là, il y avait l'abondance, vous pouvez dire que non, celle-là a fait la conservation des nourritures. Mais c'est quelqu'un qui il manque seulement un poignet de mie et un petit bout de trucs. La femme aussi dit, ok, comme tu as dit, je mange. Elle commence à verser et ça ne finit pas. Expliquez-moi d'où ça sort dans l'assiette. Amen. Faisons confiance au Seigneur, il n'y a pas de caisse d'épargnement social ou bien de prévoyance maladie. Où il y a la question comme ça, croix rouge. Si un frère a des problèmes, donc vous entendez, vous évitez les problèmes sur les frères. Si un frère a un problème, voici la caisse ici. Comme ça, il a le problème. Donc vous prévoyez le problème. Un peu comme on fait les boîtes de pharmacie. Quand tu achètes les boîtes de pharmacie, tu achètes le remède, tu gardes à la maison. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Que maladie vient pour qu'il y ait le remède? Ne faisons pas cela, n'est-ce pas, frère? Ne faisons pas cela. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Verset 3. Non, pas verset 3. Chapitre. Non, pas chapitre. C'est pas croyable. Chapitre. La question. Question numéro 3. Question. Dans un de tes enseignements, voilà, maintenant on va m'accuser ici maintenant. Dans un de tes enseignements, tu dis que la femme est jumelle avec Satan. S'il te plaît, peux-tu nous expliquer clairement? Non. Je vais dire, si c'est ces mots qui sont sortis de ma bouche, c'est comme vous voyez, comme je dis, chapitre, alors que c'est le verset, là où c'est le numéro. Je voulais dire que Satan vous aime tellement. Votre âme est liée avec Satan. Vous savez ça, les femmes là? Dieu agit de façon immuable. La tactique, sa tactique. Si Satan fait quelque chose dès le départ, il va tenter de faire les mêmes choses chaque fois. Tout à l'heure, j'ai parlé de la beauté des femmes effémées dans le monde. Il y a cela, 40 ans, 50 ans, les femmes n'étaient pas très belles dans le monde comme ça. C'est le signe que c'est la malédiction qui est venue sur le monde. Les femmes, c'était rare, vous entendez, à un moment donné, on parlait de Marilyn. Monroe, où le président, ils ont fait rendre le président américain fou, les familles Kennedy fou, à cause de la beauté. Parce que c'était sélectif pour trouver une femme belle. Tu te tournes là, tu vas Angelina Jolie, tu te tournes là, Jennifer Lopez, tu te tournes là, tu vas chacun, tu te tournes là. C'est belle, non? C'est une festivité des jardins d'Eden qui veut recommencer là. Voilà pourquoi la séduction augmente comme ça. Donc si tu es belle, tu as déjà un problème. J'ai bien parlé là maintenant. Si tu es belle, tu as déjà un problème, parce que j'étais un potentiel utilisable pour Satan. Donc c'est pour ça que ça veut dire que comme il a utilisé dès le départ dans le jardin, il cherchera plus tard à faire tomber les gens. Regardez dans la Bible tout simplement, vous savez ce qui va arriver. Regardez les grands hommes de Dieu, regardez Samson, suivez Joseph, ce que Potiphar, la femme de Potiphar a fait, suivez Job, ce que la femme a dit, suivez comment elle a fait, suivez-le tout simplement, observez. Amen. C'est fini là. Un chrétien doit-il boire de l'alcool? Les gens tapent les pieds au sol, maintenant qu'on attend là maintenant. Vraiment, sinon, qu'en est-il du vin qui est le symbole du Saint-Esprit? Voilà. Le vin qui est le symbole du Saint-Esprit. Je crois qu'il faut qu'on résolve également ces problèmes-ci. Bon, comment on va prendre ici? Bon. Un chrétien doit-il boire de l'alcool? Si c'est le verbe, c'est le devoir. Il n'y a pas de commandement qu'il doit boire. Parce que devoir, ça veut dire que c'est une obligation. Est-ce qu'il peut boire? Ils peuvent boire. Mais est-ce qu'il doit boire? C'est là qu'il faut répondre à la question. Parce que pouvoir c'est une chose, devoir c'est une chose. Parce que là où nous parlons, il y a les chrétiens qui disent qu'ils sont comme ça, ils boivent. Touchons au niveau de l'alcool et comprenons ce que c'est. Et puis on va toucher toutes les autres choses par rapport à la Sainte-Seine, si vous voulez. Et si ce n'est pas clair, vous posez encore davantage de questions. Mais je vais d'abord résoudre le deuxième volet, qui est du vin, qui est le symbole du Saint-Esprit. Qu'en est-il du vin, qui est le symbole du Saint-Esprit? Maintenant, nous allons mettre. Oh mon Dieu, frère, c'est comment? Moi, on va dormir là maintenant comme ça. Là. Tu ne veux pas entendre pour le vin? Mais frère, ou bien maintenant tu as bu un peu. Non. Ok. C'est ça que tu as posé la question. Comment c'est quoi le problème? Quel est ton problème, frère? Ou bien tu penses que. Je sais pas que tu penses que tu as inventé les chrétiens dans moi. Parce que c'est ça qui est écrit ici. Un chrétien, j'espère que tu vas très bien. Doit-il boire? Elle doit signer. Signer comment? Tu cherches quoi derrière elle? Voilà. C'est légitime. Ces questions, si vous l'admettez ou non, vous allez à la radio, vous allez les répondre. Il faut les répondre bibliquement. D'accord. Donc, prenons donc, je dis, on va regarder le deuxième volet. Sinon, Mais c'est quand même terrible parce que la question c'est, un chrétien doit-il boire l'alcool? Sinon, donc la personne vient de comprendre que c'est non. Si c'est non, qu'en est-il du vin? Donc, touchons le volet de vin et la personne a dit que le vin est le symbole du Saint-Esprit. C'est ça qui vient d'abord épiloguer. Tu veux mettre de l'eau sur le visage, non, non, non, ça va. Amen. Le vin. Je vais citer quelques passages de la Bible pour vous saisir maintenant. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit, lorsque l'effusion du Saint-Esprit, la Bible déclare, remarquez comme il y a deux groupes. Il y a le groupe de ceux qui sont venus à la festivité à Jérusalem. Il y a des gens qui sont sortis de la chambre haute qui étaient remplis du Saint-Esprit. Écoutez très attentivement. C'est pour cela que le mot ici, c'est symbole. C'est ça que je veux épiloguer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne colle pas. Alors, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les croyants, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les croyants, les gens qui étaient dans la fête ont vu leur comportement. Ils ont dit qu'ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Ça suppose donc que le vin doux est alcoolisé. Ça, c'est un. De deux, ça suppose que c'est comme s'ils se comportaient comme les gens qui ont bu du vin. C'est-à-dire qu'ils étaient ivres. C'est, n'est-ce pas? Ceci veut dire simplement que si le Saint-Esprit est sur toi, tu ne te maîtrises pas. C'est ça, la maîtrise. Et Jésus avait dit cela dans Jean chapitre 3. Qu'il est comme le vent, il fait comme, tu ne peux pas le maîtriser. C'est ça qu'il a dit. Donc, dit que le vin est le symbole du Saint-Esprit, ce sera mal à comprendre les Écritures. Le vin, le symbole du Saint-Esprit, c'est l'huile, par exemple. Le symbole de la parole, c'est l'eau. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. L'eau est le symbole de la parole. Mais, quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il se comporte comme quelqu'un. C'est pour ça qu'il a dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est la débauche ici. Soyez au contraire remplis. Il n'a pas dit, soyez au contraire enivré du Saint-Esprit. Il n'a pas dit ça. Soyez au contraire rempli du Saint-Esprit. Parce que la façon que tu es enivré, quand tu es enivré, la façon que tu te comportes, c'est comme quelqu'un qui est sur le Saint-Esprit. Il n'a pas le contrôle. Comme nous causons aujourd'hui du fait que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il fait des choses ou quand il revient en lui-même. Quand quelqu'un boit le vin, il saoule, il insulte, je le mandais, mais quand il te voit, il commence à avoir honte parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Il sait que non, ce n'est pas lui qui faisait comme ça. Il est sous le contrôle là-bas. Proverbe chapitre 31. Proverbe, disons rapidement, Proverbe chapitre 31 avant d'avancer. C'est même pas le sujet de l'aujourd'hui. Je réponds d'abord aux questions, puis on va entrer dans l'enseignement de ce soir. Les questions des sœurs. Donc, il ne faut pas que j'écris là-bas. J'arrive là-bas, je commence à écrire qu'à l'église de Dieu qui est à Barfessan, que la grâce de Dieu soit revue. Je vous ai écrit dans ma première lettre que vous ne soyez pas ivre de vœux. Amen. Proverbe chapitre 31. Vous pouvez prendre, c'est comme ça, vous pouvez cliquer comme ça. Vous allez voir dans ce même proverbe-ci, il dit que l'argent, non, c'est dans le livre de. Non, non. Vous êtes dans le proverbe là. Allons d'abord rapidement dans le livre de Ecclésiaste voir quelque chose. Vous avez lu l'argent répond à tout. Alors, chapitre 10 d'Ecclésiaste. Ah mon Dieu. Vous y êtes? Vous voulez seulement montrer quelque chose. Chapitre 10, verset 19. Allons-y. 1, 2, 3. En fait, il n'y avait pas. Non, non, tout le monde ensemble, tous ensemble. 1, 2, 3. En fait, il n'y avait pas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Voilà. Nous y voilà. C'est vrai que c'est bon qu'il commence par ces gens de verset pour vous, c'est avant qu'on aille à ces proverbes 31. Il dit qu'on fait des repas pour faire quoi? Hein, frère? On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond. Le roi Salomon a touché trois points principaux de la vie de la mondanité et la vie de la vanité sur la terre. Vous observez très bien. Si vous prenez maintenant ces versets, je vous souhaite que nous aurons le temps de travailler sur ce sujet en profondeur dans la Bible depuis l'Ancien Testament là. Donc, je le dis ici. Il dit ici que on fait le repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. L'argent répond à tout. 1 Timothée chapitre 6 dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ici, on dit l'argent répond à tout. Si vous lisez Ecclésiaste, il dit qu'il n'y a pas un seul juste. Vous lisez Ecclésiaste, la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. Que l'homme né d'une femme ne peut même pas être juste, n'est-ce pas? Le Nouveau Testament dit que tous ont péché, sont couverts de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés. Donc il faut avancer avec cette pensée-ci. Dans l'Ancien Testament, il y a des choses que la révélation n'est pas claire pour les hommes de la Bible, déjà un. De deux, si vous prenez, vous savez qu'il y a les dîmes qu'il fallait donner, vous savez qu'il fallait acheter l'alcool pour boire. Vous avez lu ça dans la Bible? Les dîmes qu'on devait boire de l'alcool. Hein, frère? J'ai jamais lu ça. Tu vas payer ta dîme d'alcool. Donc, ici il dit, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Dans un autre passage de la Bible, le même Salomon va dire que Le vin rend le cœur joyeux. Le cœur. Cette fois-ci, c'est le cœur. D'accord? Rentrons dans le livre d'Ecclésiaste, des Proverbes 19. Chapitre 31. Le verset 4 est suivant. Ce n'est point au roi les murs, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Oui. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Oui, mais qui doit boire? Donner des liqueurs fortes à celui qui périt, oui, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Vous avez vu qui, en un moment, qui doit boire, n'est-ce pas? Allons dans le livre d'Osée, oh, mais c'est quand même terrible, ça ne fait que venir partout là. Osée au chapitre 4, gardez le doigt en tête, c'est le copain, on va y rentrer maintenant. Vous voyez vraiment que si on attaquait les questions et le jour là, c'est que chacun devait tomber évanoui ici là avec la fatigue. Les femmes, je vous dis que les femmes ont les questions. Je ne veux pas vous conduire de poser des questions, mais regardez comme ça là. Dieu a su pourquoi elle a demandé de se taire. C'est pas ça le frère. Elle te pose la question comme ça, tu es énervé, tu dis que ça te sert même à quoi? Alors que c'est la question qui te dépasse. Eh hey, mon Dieu. Je veux que vous gardiez les choses. Vous remarquez que sont de prendre dans le livre des prophètes. J'ai pris dans le livre des proverbes, des ecclésiastes, proverbes. Ils sont en avancée dans les prophètes. Pourquoi commencer à voir? Parce que les prophètes commencent à voir la clairvoyance de ces choses-là. Un, nous avons lu dans le livre des ecclésiastes que on fait les festivités pour avec la nourriture. Le vin rend la vie joyeuse. Gardez bien ça en esprit. On dit clairement là-bas que le vin rend la vie joyeuse. L'argent répond à tout. Maintenant, nous venons lire dans le livre des Proverbes chapitre 31 que il y a quelqu'un qui a des conseils, il y a un roi. Que les rois et les princes ne doivent pas boire le vin. Les liqueurs, ce n'est pas pour eux parce que s'ils font ça, il y aura une implication sur la loi. Ouais, ouais, n'est-ce pas? Allons dans le livre d'Osée chapitre 4, verset 11. Lisons tous ensemble. Le verset 11 seulement. Allons, 1, 2, 3. Vous êtes fatigués, les frères? Allons-y encore, 1, 2, 3. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Quelles sont les choses qui font perdre le sens? Un. La prostitution. Deux. Non. Quelles sont les choses qui perdent le sens? Il y en a combien? Trois. Première chose. La prostitution. Deux. Le vin. Trois. Le mou. Qu'est-ce que vous en dites là maintenant? Pourtant, on a dit que ces vins-là rendaient la vie joyeuse. Nous commençons à voir effectivement comment le conseil que cette femme a donné à son fils, le roi Lemuel, elle commence à dire: fais attention, ce n'est pas à eux de boire. On ne dit pas que tout le monde ne doit pas, que tout le monde ne doit pas boire. Il y a des gens spécialement qui ne doivent pas boire lorsqu'ils ont compris la révélation qui se cache derrière. Il dit, ce n'est pas au roi de le faire, ce n'est pas au prince de le faire. Et nous disons les rois, nous sommes un peuple, un royaume des sacrificateurs, c'est pas ça? On va toucher cette notion. Maintenant, revenons sur le cas des gens au chapitre 2, la visite des nœuds du Seigneur Jésus-Christ à Canaan. Certaines personnes essaient de justifier le fait que Jésus a transformé là, que ce n'était pas il n'y a pas l'alcool. Il y avait l'alcool. Parce que le contexte de l'écriture de Jean chapitre 2, le premier miracle de Seigneur Jésus-Christ, dit qu'il y avait l'alcool. Parce que les gens, il dit que la Bible déclare que lorsqu'on a demandé au l'ordinateur de repas, il a ordonné, il a dit mince. Certaines personnes, on garde d'abord ce qui est fait quand les gens sont ivres, avant qu'on donne les mauvais. Mais ici, là, c'est terrible seulement. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, ça contenait de l'alcool. Alors maintenant, quand on dit comme ça, quelqu'un dit, ok, voici jusqu'à transformer l'eau en vin pour donner à ceci. Vous entendez, il y a les bars maintenant, on dit premier miracle de Canaan. Quand vous voyez seulement Canaan, vous voyez un bar, on a écrit seulement Canaan, tu comprends ce que ça veut dire? Et c'est Canaan. Quand vous entendez les bars, on dit Canaan. Mais après, en bas, il dit qu'entrer, ok, sortir, KO. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Amen. Résolvons le problème de Jésus maintenant et comprenons ce qu'il a dit. D'accord? La Bible déclare qu'on donne le vin à qui? Pourquoi donc le disciple Seigneur Jésus-Christ? Souvenez-vous de ce qu'on a dit. Dans cet épisode de Cana, il y a Jésus et ses disciples d'un côté. Ils sont invités à la fête. Il y a les invités et l'ordinateur de vin, puis sa maman quelque part. La maman qui vient dire pardon. Après, il va dire à ceux-là, faites tout ce qu'il vous dira. Il va dire, souvenez-vous de cela, un des seuls, je vais parler de ces vases-là. Ils ont mis combien de vases? Il ne peut pas mettre 7 vases, frère. Il ne peut pas mettre. Vous savez ce que ça veut dire 6. Pourquoi c'est 6? Hein? Vous savez, au moins, c'est vous qui lisez la Bible. Ok. Alors, il dit, remplissez ces 6 vases. On remplit les 6 vases. Et on dit que les vases servaient pour. C'est quand même curieux. Ça, c'est quelque chose qui sert pour la purification. On fait que ça transforme en alcool. Et je ne sais pas si vous pouvez me permettre, si on peut prêcher sur cela comme ça, mais ce n'est pas le moment. On va parler de cela. Donc il y a six vases qui sont censés servir de purification. Le Seigneur fait que ce soit l'alcool qui soit à l'intérieur. Les vases. Celui qui a fait des vases de terre, n'y a-t-il pas prendre pour les vases de terre, disage ville? Vous entendez ça, frère? Le même terre, on peut faire des usages vils. Après, on casse. C'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le même potier peut faire avec le même terre un vache d'un bon usage pour mettre à la présidente et l'autre pour mettre plutôt quoi, Badjoum? C'est vrai? C'est ça que l'écriture dit, frère. La Bible déclare dans Romains chapitre 9, verset 17 que Dieu est souverain. Il peut, avec le même terre, il a fait les gens pour être détruits. L'autre pour. Ouais, c'est ça les gens là, les gens là qui choquent là. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Jésus-Christ fait comme ça, ses disciples n'ont pas bu. Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué dans Jean chapitre 2? Non, vous avez remarqué que ses disciples n'ont pas bu, que c'était aux festivités, aux gens de la festivité. Alors, les disciples, pas, ça ne concerne pas les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Les gens disent, oui, Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Oui, c'est dans l'ordre des choses. Mais à qui a-t-il d'eau donné? Là est le problème. Ce n'est pas ses disciples qui ont bu. Il a donné à ceux qui étaient là-bas. Parce pourquoi? Ils sont habitués. Parce qu'ils sont habitués. Ils ont même su que quand on boit du vin, on attend d'abord avant de boire l'autre. Parce qu'ils connaissent. Donne du vin à ceux qui périssent et à ceux qui ont la maladie dans l'âme pour qu'ils boivent et ouvrent son chagrin. C'est ce qui est écrit. C'est, n'est-ce pas? Ça va, mes frères? On avance dans le Nouveau Testament. 1 Timothée, vous attendez toujours là-bas. Non, je n'ai pas de demandé que vous lisez, vous connaissez déjà. Même le païen qui ne connaît pas, il a dit que Jésus avait dit, l'apôtre avait dit à c'est toi qui complètes. À Timothée, il dit voilà. Quand il tape la tête comme ça, tu complètes. Donc chacun va dans la Bible. Je vous dis, chacun va dans la Bible pour chercher ce qui va pour se protéger. Il a dit à Timothée, ne continuez pas à ne boire que de l'eau. C'est un verset que j'aime particulièrement. Il dit, ne continuez à ne boire que, faisant un peu d'usage de, pourquoi? Mais pour parler de la gauche, pourquoi frère? Vous ne voulez pas qu'il parle de vin? C'est la question qui est trouvée ici. Pourquoi le côté ne parle pas? Il recommence encore. 1 Timothée, c'est le côté fort ici ça. Ok. Dans 1 Timothée, là, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit que ne continue pas à ne boire que de l'eau. Fais-en usage d'un peu à cause. On va aller doucement dans le verset, n'est-ce pas? Question. Avant que la lettre ne vienne, Timothée buvait-il du vin? Donc le verset, ce n'est vrai que pour la personne qui ne buvait pas de vin. C'est, n'est-ce pas? C'est là, il faut respecter le contexte des choses. Donc, s'il écrit à Timothée que. Ils sont analysés la chose. On a analysé ensemble le verset. Il dit ne continue pas à ne boire que. Donc, il dit Timothée buvait seulement de l'eau. Ça, c'est un. Donc, si quelqu'un veut prendre un soulevé, prendre ceci pour tout ça, il est votre disqualifié. Pour dire qu'on avait dit à Timothée de boire un peu de vin. On voit seulement le vin qu'il a demandé de boire. Un. Ça veut dire que si on le conseille de boire le vin, il ne buvait pas. Enfin, le verset dit clairement ne continue pas à ne boire que de. Il ne buvait que de l'eau. Le Saint-Esprit veut nous dire, à cause de tes mal fréquents, mal d'estomac, le Saint-Esprit veut lui donner la solution par rapport à sa guérison. Il a dit que ta guérison passe par un peu de vin. Ça suppose que si le fréquent mal d'estomac finit, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout le côté de ce qu'il parle. Nous allons nous démettre debout pendant qu'on va parler. Comme ça, on va être sur tout le monde. Ne se levons-nous, levons-nous comme ça, on va parler. Parce qu'il ne faut pas que vous ouvrez les yeux, vous me regardez comme ça, alors que vous êtes endormi. Tous m'en parlent, ça va faire. Il dit que. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit à Timothée que ne continue pas seulement à boire que de l'eau. Flash, je ne sais pas où là-bas, il y a ça chauffe. Il dit ne continue pas seulement à. Il dit fais-en usage d'un peu de vin. Il n'a pas dit que commence maintenant à boire du vin. Il dit à cause des fréquents mal d'estomac. Donc si le mal d'estomac finit, frère, viens pas ici, il faut qu'il te voie. Il dit qu'à cause de tes fréquents mal d'estomac, ça suppose que quand le mal d'estomac va finir, qu'est-ce que ça fait? Il arrête de boire. Donc, c'est le Saint-Esprit, de façon spécifique, a donné à Timothée que la guérison de son mal d'estomac passe par le vin. Il a dit que c'était un peu de vin. Donc, on ne peut pas prendre ça pour justifier le fait qu'il en est. Il y a le problème du Seigneur Jésus qui est venu mangeant et buvant avec le monde. Je sais qu'il y a tout cela qui défie de votre esprit. Parce que lorsque, si vous voulez, demain, vous mettre une prédication là, mais si vous êtes fatigué, il met la vidéo là, le pasteur là qui a 12 femmes. Il prêche la sainte doctrine, il a 12 femmes. Il te prend la Bible, il connaît tous les programmes de la Bible. Il faut qu'il parte chercher les programmes de la Bible pour défendre sa doctrine. Ne faisons pas comme ça. Il faut qu'on comprenne sous quelle allure nous sommes. Qu'on comprenne la volonté parfaite de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit hier par rapport au pied d'achoppement. Vous allez voir Samson qui part épouser une fille philistine. Alors que la Bible dit clairement qu'on ne doit pas descendre là-bas. Pas vrai? La Bible déclare quand ses parents ont résisté, il a dit que descends, cherche la moi, prends ma femme. C'est pas ça? Le Saint-Esprit conclut que les parents ne savaient pas que ça venait. C'est pas ça? C'est ce qui est écrit dans le livre des Juges, chapitre 14. Donc ce Dieu qui cherchait un sujet d'attaque, il dit à Samson, va prendre une fille à Timna. Descends à Timna. Elle avait une jeune fille, elle a fait un ouin. Il a dit que c'est toi. Tu es la femme. Il dit, papa, prends-moi la femme là-bas. Tu dis, mais tu vas attirer le groupe sur la famille. Dieu avait dit que on ne prend pas les femmes philistines. C'est pas ce qui est écrit. Mais Dieu vient de lui dire, descends là-bas. On dit que c'était Dieu cherchait une occasion de chute, une occasion comme ça de dispute entre Israël et Philistins pour les traiter. Donc faisons attention. Il y aura des pièges à chômage. Alors, quand c'est là que si quelqu'un reste comme ça, il voit une belle fille dans le monde. Il part dans le pour chercher comment justifier le fait qu'il faut qu'il prenne un mondain. Il voit Salomon, le cas de Samson, il va dire que. Pasteur, j'ai vu la femme là, Dieu m'a révélé que c'est ma femme. Il dit non, non, non, Dieu, la volonté de Dieu, c'est pas ça. Il n'y a pas dans la Bible. Il dit que voilà le cas de Samson. Le pasteur aura la bouche fermée. Parce qu'il y a un cas dans la Bible, les pierres d'achoppement. Donc faisons attention. Les pierres d'achoppement. Vous ne pouvez pas justifier le fait que Salomon vive avec des femmes comme ça, jusque toutes les femmes ont perverti. Il a même lui-même conclu que parmi toutes les 1000 femmes, il n'avait pas une seule femme parmi. Il a conclu cela. Et vous dites que vous allez faire la polygamie comme lui. Dieu a pris sa vie comme test pour te montrer que tu ne dois pas ramener dans cette voie. C'est n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre dans le Nouveau Testament par rapport à ces choses-ci? Nous voyons par exemple dans ce livre de Deutéronome, lorsqu'on parle des dîmes, les dîmes de la troisième année, on devait aller à Jérusalem. Comme vous savez, de quoi il est question. Il dit que lorsque tu as été déplacé à Jérusalem pour les dîmes de la troisième année, on devait manger. C'est cette dîme, si on ne donne pas au pasteur, on ne mange pas, soit, on mange ça, soit avec sa famille. Alors tu quittes. Il dit tu sers l'argent dans ta main. Tu vends ce que tu as, tu sers l'argent dans ta main. Parce que le lieu où le Seigneur aura choisi pour y faire résider son nom, c'est là-bas que les dîmes devaient être consommées. Alors tu vends pour ne pas porter les choses comme, supposons que son lieu de résidence où il a fait résider son nom était à Bafoussam. Au lieu que je porte les chèvres avec le truc, je mange des doigts là pour ici, je vends d'abord ce que j'ai, je garde l'argent parce que l'argent ne pèse pas. Je peux me déplacer maintenant. J'arrive sur le lieu où il a fait résider son nom, j'achète encore. Il a cité, frère, c'est écrit là-bas, liqueur fort. Vous allez prêcher la Bible, où il ne faut pas fuir la Bible, il ne faut pas fuir. On a écrit liqueur fort. Il dit que tu bois, tu manges, que c'est ton cœur se réjouit, tu dis merci au Seigneur. L'a-t-il ordonné aux chrétiens? Non. Donc si tu parles là-bas, tu as les problèmes. Parce que tu bois. Pour que tu fasses cela, tu vas dire mon Dieu là où tu as fait résider son nom. Tu vas prendre ce que tu as à prendre pour faire cela. Donc tu parles que. Il a, si on a dit qu'on boit le café aussi, donne-moi une bière là-bas. Vous n'êtes pas dans le même contexte. Vous ne comprenez pas ce que Dieu a dit. Parce que c'est en famille qu'on doit faire ces choses et c'est là où Dieu a fait résider son nom. Aujourd'hui, il a fait résider son nom dans le Seigneur Jésus. Comment vous allez faire cela? Donc, on ne peut pas faire comme ça. Si quelqu'un veut aller dans la ville là pour boire de l'alcool, il aura des justifications. Il pourra trouver. Si quelqu'un va là-bas à l'intérieur pour voir comment il va marier, il peut prendre. Il y a des gens, j'ai trouvé des gens qui sont assis comme ça. Il a dit David était homosexuel, il l'a prouvé par la Bible. C'est écrit en noir et blanc. Mais ce qui est écrit noir et blanc, c'est ce que lui veut faire comprendre que ça, qu'il écrit, c'est pas ça. On dit que l'amour de David avec. David avec Jonathan était plus que l'amour des femmes. C'était plus que l'amour, ça. C'est normal. Alléluia. Alors voilà, il comprend ça pour dire que voilà les homosexuels dans la Bible. Même le roi David était homosexuel. Il prend Marc. On dit effectivement dans Marc, dans le jardin, on raconte l'histoire de Marc. Lorsqu'on est venu attraper Jésus dans le jardin de Gethsémané, il y a un homme, un disciple qui était avec le pain. Il dit qu'on l'a poussé comme ça, il est sorti avec le pain. On a tiré le pain, il est parti nu. Il faisait quoi nu? On te pose la question, il faisait quoi nu? C'est normal que quelqu'un soit le pain à côté de Jésus. Veuillez vous asseoir, frère. Donc, si quelqu'un veut trouver n'importe quel pied d'achoppement dans la Bible, il va trouver le pied d'achoppement. Si vous voyez les livres d'astrologie, vous voyez les livres de divination, vous allez voir effectivement que tout parle du verset biblique. Vous allez voir comment on dit clairement, ils prennent la Bible, qu'il a fait les astres, les lumineux pour marquer des temps et des saisons. Il parle à partir de là, il te demande. Ici, on parle des zodiacs dans la Bible. On parle effectivement de la nouvelle lune, les lunes et des sabbats. C'est dans la Bible. On te demande comme ça pour montrer effectivement qu'il faut suivre les étoiles. Voilà même les mages qui ont étudié tout cela. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Alors que les scribes eux, qui étudiaient la Bible ne suivaient pas. Donc, ça veut dire que Dieu est dans les étoiles. On t'entraîne comme ça jusqu'à ce qu'on touche à l'heure du verset où Jésus a dit que quand vous allez monter dans la ville, vous allez voir une personne qui porte la cruche. La porte qui porte la cruche, regardez ce dans le cycle des signes des zodiacs, vous allez voir que c'est l'heure du verset. Donc l'heure du verset devait passer à l'heure du poisson. Vous voyez ce qui est écrit. Mais il prend cela dans la Bible. Mais il va beau dire n'importe quoi, c'est parce que la Bible dit que ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre la pensée de Dieu. Nous voulons comprendre la pensée de Dieu. Voilà. La pensée de Dieu se situe au niveau des sacrifices. C'est à ce niveau que ça se situe. Nous sommes dans ce cas de sacrifice. Vous êtes sacrificateur ou ne l'êtes pas? c'est toi ce qui est. Nous sommes sacrificateurs ou nous ne le sommes pas. Si nous le sommes. Bon, j'ai comme l'impression que les frères ne peuvent pas toujours le problème de vin. Comme ça, on laisse comme ça. C'est ça, non? Non. Nous avons compris que le vin n'est pas le symbole du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le vin n'est pas le symbole du Saint-Esprit. L'agissement du vin est comme l'agissement du Saint-Esprit dans une certaine mesure, par rapport à son influence physique. Mais ce n'est pas son symbole. Donc, quand le Saint-Esprit vient sur toi, la façon que ça fait, c'est comme toi, mais ce n'est pas son symbole. Son symbole, c'est l'huile. C'est celui qui fait briller. Parce que l'un des principaux buts, c'est de resplendir la gloire de Dieu. Saint-Esprit, Esprit qui est saint. Alors, maintenant, si nous avons compris jusqu'ici, on se tourne au niveau de la sacrificature. Dans l'ancienne alliance, lisons le livre de Lévitique, chapitre 10. Préparez Ézéchiel aussi. Il y avait une question avant de dire. Oui. Comment comprendre Ésaïe 55? Ésaïe 55. Oui. Oui. Oui. On arrive là-dessus. Et comment on achète ça? Il dit qu'on achète sans argent. Il parle de quoi? Quand je disais ça, il comprenait que le pain, c'est la parole. Hein? Et le pain là-bas, c'est l'esprit. Ok. C'est ça. On va arriver là-bas. Nous sommes dans le chapitre 10 de cela, n'est-ce pas? De Lévitique. Je vais lire les versets. Donc, je dis préparer Ézéchiel. Je dis pour vous, mais je n'ai pas encore préparé. Vous pouvez lire Ézéchiel au chapitre 44, là. Donc, mettez le doigt dans Ézéchiel 44, déjà, pour qu'on aille vite. Que le Seigneur vous bénisse, d'accord? Donc, Lévitique chapitre 10, j'y suis déjà. Mettez le doigt dans Ézéchiel 44, donc on finit là, on avance et puis je continue à développer. Bon, Lévitique chapitre 10, je vais lire à partir du verset 8. Suivez attentivement. L'Éternel parla à Aaron et dit: tu ne boiras, allons-y, ni et ni vin, toi et tes fils avec toi, à quel moment? Lorsque vous entrerez dans la tente de peur, ce sera une loi parmi. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ce qui est pur de ce qui est pur. Je veux que vous m'expliquiez quel enseignement Dieu veut faire comprendre à Aaron ici. Il veut dire que le vin là et le liquide est comment? Selon vous, quand vous lisez déjà comme ça dans d'entrée. Essuyez. Vous voyez? Il dit que c'est afin que vous distinguez ce qui est pur de ce qui est profane. C'est ça, n'est-ce pas? Mais il a redonné les périodes. C'est pour ça qu'il parlait des sacrifices, pour qu'on puisse bien saisir. Il a donné les périodes qu'il ne devait pas faire parce qu'on entrait dans la tente d'assignation selon l'ordre. Vous savez, dans le cadre de Luc chapitre 1, selon les classes. Il y a des classes où on ne peut pas partir. Chacun entrait selon les classes. Il y a des gens qui entraient sur Akitub, c'est Jonadab, c'est Tzadok, Abiata, on entrait selon les différentes classes. Alors il dit ici que lorsque vous allez entrer dans la tente d'assignation, faites attention, vous ne devez pas avoir une trace de cela en vous. Je veux que vous saisissez ce qu'il dit ici. Il dit afin qu'il les donne l'explication, afin qu'il a couronné cela, que c'est une loi perpétuelle pour vous et vos descendants. Il n'a pas dit que c'est pour vous. Remarquez très bien pour que vous saisissez ce qu'il est en train de dire. Tout à l'heure, j'ai parlé des dîmes. Souvenez-vous que ce n'est pas les sacrificateurs, c'est quand ils ne payaient pas les dîmes. Ce sont eux, c'est les gens de la population qui venaient avec ces dîmes-là pour venir manger. Donc à eux, il était donné de boire l'alcool là-bas, à côté, sans problème. Mais ils boivent comme ça, le sacrificateur boit, passe là-bas, c'est le feu qui va tomber sur eux. Vous voyez là où on en est. Parce qu'eux, ils n'avaient rien à voir avec la sacrificature. Vous dites, nous sommes sur la sacrifice de Melchisedec. C'est ça, frère? Regardez encore cela. Il dit, l'Éternel parla à Aaron et dit: tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils, avec toi lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Donc, ils entrent. Le fait qu'ils aient bu du vin, qu'est-ce qui va se passer? L'ascension, c'est quoi? Mais c'est terrible, ça. J'ai frémi là-dedans. Il dit, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer. Cette loi-ci, c'est fait pour que vous distinguiez. Cette loi, ne pas boire avant d'entrer. C'est pour vous distinguer que quelque chose ne va pas. Ici, c'est sacré. Là-bas, c'est impur. Vous ne pouvez pas venir avec l'impur au niveau des sacrés. Ça, c'est au sacrificateur. Le cadre des dîmes pour aller manger, boire l'alcool, de quelle force, c'est aux populations simples qui n'ont rien à voir avec les choses de la sainteté. Quand on dit pas les races élues, une nation sainte, un sacerdoce royal, il faut qu'on fasse attention, n'est-ce pas? Maintenant, on avance. Écoutez très attentivement maintenant. Lorsque Aaron, après ses descendants et autres là-bas, sortent de la sacrificature, qu'est-ce qu'il peut faire? Il. C'est comment, frère? On ne veut pas qu'on travaille. Si. S'ils sortent donc de cette cadre-là, est-ce qu'ils ont le droit de boire, oui ou non? Non. Ah, il recommence encore ceci. L'Éternel parla à Aaron et dit: tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque. C'est ce qu'il veut dire. Ceci veut dire que s'ils ne sont pas dans ces conditions-là, ils peuvent. Ouais. C'est ce que la vie de verset dit, non? Mais c'est voilà. S'il vous plaît, vous voulez qu'on travaille? Oui. Okay, donc ouvrez les bouches. La tente d'assignation, qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? La tente d'assignation. L'arche. Dans l'arche, il y a quoi? Ok. Dans la nouvelle alliance maintenant, vous avez saisi ce que dit dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, cette présence-là se trouve où? C'est quand même terrible. Ça ne devait pas régler le problème ici, là, maintenant. Donc, là-bas, il fallait qu'on s'approche en évitant que ça soit en nous. Maintenant, il se trouve à l'intérieur. Tu prends la corde, tu veux que celui que soit souillé, soit souillé, soit souillé, soit souillé. Il n'y a pas un moment où il sort. S'il est dedans, il n'y a pas un moment où il sort. Là-bas, il pouvait. C'était quelque chose de physique, parce que c'est les ordonnances charnelles. Ici, c'est l'ordonnance spirituelle maintenant. Où la présence de Dieu qui était dans le temple et qui était le temple pour habiter sur le cœur. On ne devait pas s'approcher. C'est ça qui a fait de nous que nous serons sacrifiés dans les sacrificateurs, dans un autre ordre. Nous qui servons Dieu maintenant par l'esprit, nous rendons culte à Dieu. Comme Luc dit, de Philippiens au chapitre 3 le dit, rendons à Dieu notre culte par l'esprit. Comprenons-nous? Et cet esprit-là avait dit que les sacrificateurs ne devaient pas s'approcher de sa présence avec cela. Nous saoulons la gueule en buvant, en disant qu'il n'y a pas quelque chose de cela. En fait, il faut seulement que quelqu'un ait le Saint-Esprit voit devant Dieu de la bonne façon pour poser la question. Allez, si vous posez la question, vous voyez comment ce que le Seigneur va répondre sur votre cœur. C'est parce qu'on est resté, dans l'intellect en disant que je suis d'accord ici, je ne suis pas d'accord ici. Que le Saint-Esprit vous guide tout simplement. Et que vous allez passer, vous allez voir de quoi il est question. Il dit, c'est la présence de Dieu. Si vous lisez au chapitre 10, là, c'est le livre de. Chapitre 10 de Lévitique, c'est ça qu'on lisait. Le verset 1, 2, 3 et 4 parle d'Abiou et Nadab qui ont apporté du feu étranger. Ils ont seulement pris un feu, on s'est arrivé comme ça devant. Le feu est sorti, boum, ils sont morts là, les deux. Le premier fils et le deuxième fils sont morts là. Vous avez remarqué ça, hein? Le feu étranger. Ils ont seulement apporté le feu étranger à l'intérieur. Bon, ils sont morts là. J'ai déjà dit que c'est pour ça qu'il était dit qu'ils seront sanctifiés à mes yeux. Pour qu'ils comprennent qu'on ne blague pas dans sa présence. C'est ça, frère. Donc on arrose l'arche de l'alliance dans notre cœur. Ça brûle là-bas comme ça, ça brûle. Ça éteint le feu de l'arche de l'alliance. Enfin, qu'est-ce qu'on cite? Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Mais le chrétien normal réjouirait le cœur de Dieu. C'est simple. Parce que ce n'est pas notre cœur qui doit être réjoui. Il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. D'accord? Souvenez-vous, ce n'est pas notre cœur qui doit être réjoui. Si notre cœur n'est pas travaillé, c'est ce qui est à l'intérieur que Jésus a dit dans ce matin, je peux dire, Saint-là, qui va être là. C'est ça qui va réjouir. Parce que quand quelqu'un commet le meurtre, ou bien l'adultère, il est content. Parce que c'est à se tâcher, il fait ça, c'est bien. Il fait, vous remarquez, quand quelqu'un va commettre l'adultère, regardez comment ça fait. Il ne fait pas là avec l'amertume. Il fait, c'est bien. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Ça réjouit son cœur parce que ça vient de l'intérieur. Donc, vérifiez les motivations de notre cœur. Si ça, nous voulons. Il dit, mon fils, si ton cœur est. C'est plein là. Bon, gardez le doigt dans ce livre d'Ézéchiel, chapitre 44. Rentrons dans le Proverbe, chapitre 22 là. Que Dieu vous bénisse. Que vous posez des questions aussi. Chapitre 23 là. Prenons chapitre 23. On avance. Je vais lire à partir du verset 12 en descendant. Je vais lire le verset 12, puis je vais aller au verset 15, puisque les deux versets suivants ne sont pas dans le même contexte. Mais je vais lire le verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Puis je vais au verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Vous avez vu? Donc Dieu veut que notre cœur soit sage, pas que ça soit dans la joie. Que nous soyons sages, afin que son cœur à lui soit dans la joie. Puis il dit, mes entrailles seront tenues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. C'est ça, n'est-ce pas? Ne sois pas parmi ceux qui font excès, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès. Et l'assoupissement fait porter des haillons. Vous voyez exactement ce qu'il en est. Dans ce livre de Proverbes, on dit que pour qu'il est ha, pour qu'il est, si je savais. Quoi? Regardez-vous tous là. Regardez-vous tout simplement. Vous avez noté ceci, n'est-ce pas? Verset 13 du chapitre 15. Là, Chili. Verset 13 oui. Du chapitre 15. Il dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Oui. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Oui. Un cœur intelligent cherche la science. Oui. Mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Rentrons au chapitre 23. Je veux que vous saisissiez le premier au niveau du cœur. Le premier au niveau du cœur. Si on a la sagesse dans le cœur, on va savoir effectivement ce qu'il en est. Il a commencé à conseiller dans ce chapitre 23. Il a dit que ton cœur soit sage afin que mon cœur à moi soit dans la joie. Après, il dit que fais attention à la voie que tu marches. Marche droitement. Ne sois pas parmi. Vous voyez cela? Avançons dans ce même chapitre 23. Là, continue en bas. Regardez verset 23. À qui est la vérité? Il dit chapitre 23, du verset 23. À qui est la vérité ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Écoutez, après il dit verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Vous avez vu cela, frère? Car la prostituée est une fosse profonde. Je vais vous parler de ces choses. Quand on parle de prostituée, quand vous dites, normalement, on voit la femme, mais il y a quelque chose qu'on a présenté par rapport à Satan là. Et l'étranger, un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand. Et elle augmente parmi les hommes de nombreux perfides. De le nombre des perfides. Vous avez vu? Pour qui les ha? Pour qui les hélas? Pour qui les dispute? Pour qui les plaint? Pour qui les blessent sans raison? Pour qui les yeux rouges? Après, il répond quoi? Ceux qui s'attardent auprès du vin. Souvenez-vous de ce qu'il a dit là-bas, qu'il faut que ton cœur soit par là-bas. Il dit pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Puis verset 31, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Il faut que vous compliquez, vous voyez l'implication de cela. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé. Je n'ai pas le mât. On m'a battu. Il ne sent rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Qu'est-ce que Salomon a en train de dire? Il a en train de décrire effectivement l'état d'un saoul. C'est quelqu'un que quand il boit, il saoule. Il y a des femmes que lorsque le mari saoule, c'est le moment par excellence pour le dépouiller. On le porte, on vient, on se pomme, elle envoie, elle fouille le porte de monnaie. Lève ton pied, il lave, elle lui-même il lève, il ne se rend pas compte qu'elle a l'élevé. On fouille, elle rétit tout, regarde. Après le matin, qui a pris mon porte de monnaie? Si tu as bu, tu étais où? On a seulement porté dans les Ouattaros pour venir mettre à la maison. Il dit pour qui les ha, pour qui les hélas? On m'a frappé, je n'ai pas compris. Il se lève le matin, il y a la blessure partout ici. Il dit que fais attention qu'on ne doit pas suivre cette voie-là. Souvenez-vous, c'est ici dans ces mêmes proverbes-là qu'on dit que le cœur rend le vin rend le cœur joyeux. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On doit donner cela à ceux qui ont de la médecine dans l'âme. Il en a le conseil maintenant mon fils. Il dit à ceux qui sont ses fils, regardez bien la différence. À ceux qui sont ses fils, faites attention. Ne sont pas parmi ceux qui vont mélanger le vin. Vous voyez? Et la Bible va même plus loin dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 5 en disant que c'est une malédiction. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous savez au moins cela. Allons-y là-bas au chapitre 5. C'est vous qui avez posé la question. Esaïe le prophète. Je crois qu'on a oublié Ézéchiel là depuis là. Esaïe. Chapitre 5. Si vous y êtes, vous me dites déjà. On avance. Bon. Verset 11, quelqu'un lit. Lisons tous à haute voix. Verset 22, à haute voix. À haute voix, s'il vous plaît. Non. Lisons tous ensemble à haute voix le verset 22. Quand un prophète écrit comme ça, vous entendez ce qu'il lui est en train de dire? Regardez, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Le verset 8 là-bas dit malheur à ceux qui ajoutent maison après maison, maison à maison, et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Vous entendez que telle personne, l'hectare c'est pour lui, l'hectare c'est pour lui. Il ne sait pas qu'il est sous le coup de la malédiction. C'est la Bible qui dit ça, frère. c'est une malédiction. Donc la comparaison avec la sacrificature devait régler le problème. C'est seulement sur ça qu'il faut saisir. C'est seulement sur ça qu'il faut saisir. Celui qui a dit comme ça, Esaïe, la nudité c'est une malédiction. Mais Dieu va nous dire au chapitre 8, verset 1, d'aller de marcher nu. Prendre une femme là-bas, il va marcher nu, torse nu pour prophétiser. Les pieds d'achoppement. À Moïse, à qui dit au chapitre 20, il dit clairement, tu ne feras aucune image taillée ni représentation de quelqu'un. Mes frères. Tu ne feras aucune image taillée. Tu ne te prosterneras devant aucune image taillée. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant en face. Quelques versets plus tard, il dit que fais-toi une image. Fais d'après la représentation qui était mondaine aussi. Les pieds d'achoppement. Et c'est ça maintenant les catholiques peuvent dire. Vous dites que vous n'avez pas fait des images. Il dit que mais, le Dieu qui a dit à Moïse qu'il ne fait pas telle chose, n'est-ce pas lui qui a dit qu'on fait le serpent? Il dit que oui, il lui avait dit à Moïse les 1 et 2. Et à toi, il a dit quoi? Oui, et là maintenant c'est bloqué. Dieu a dit à Moïse, ne fais pas ça parce qu'il savait pourquoi. Il a dit, ne fais ceci parce qu'il savait pourquoi. Cette personne, aujourd'hui, il le fait sur quelle base? Il représente à Michael, Marie, Joseph et le poisson et haut là-bas. Sur quelle base? Qui lui a donné l'ordre? Parce que Moïse a fait d'après une représentation qui lui a été montrée, qui est image des choses qui sont dans le ciel. Et le but pour lequel il a été montré, vous voyez Apocalypse, vous voyez les choses même représentées et bien présentées là-bas. Donc on peut sortir dans la vie, on peut prendre la vie, faire comme nous on veut. Il faut écouter l'instruction. Il dit, écoute l'instruction de ton père. L'instruction sont les ordres. Et quand, il dit, quand tu vas faire ça, ça va te préserver de ces choses-là. Donc, la question, le chrétien doit-il boire, le chrétien ne doit pas boire? Je pourrais répondre facilement ceci. Bois le Saint-Esprit et observe ce qu'il veut lui dire à l'intérieur. Bois le Saint-Esprit et observe ce que lui il veut à l'intérieur. Puis maintenant, on peut arriver sur les problèmes, les effets médicaux, les effets de santé, etc. Il ne veut pas entrer dans le domaine Saint-Esprit, il veut entrer dans la pensée de Dieu qui est derrière. Puis on se pose donc la question. Alors maintenant, dans notre royaume, pourrait-il y avoir de l'alcool? Dans notre royaume, il y aura de l'alcool, mais il y aura du vin, vous savez ça? Vous savez qu'il y a du vin là-dedans? Mais voilà. Sur notre, qui a dit non? Dans notre table de noces là, y a-t-il du vin? Notre table de noces que nous allons aller célébrer là-bas, y a-t-il du vin? Je pose la question, c'est alcoolisé? Si vous dites oui, dites prouvez. Vous pensez que là-bas en haut, il y aura de l'alcool? Comme Michael va boire jusqu'à dire que on avait trop de travail dans le village, ça nous avait créé des problèmes. Ah, enfin, on est à la fête. Vous pensez que ça se passerait ainsi, frère? Mais le Seigneur jusqu'à dit, par rapport à la scène, il a dit que j'en boirai de nouveau dans le royaume, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, dans le nouveau, de nouveau, c'est que il va encore boire dans le nouveau. Vous pensez que c'est à l'alcool là-bas? Et qu'est-ce qu'il buvait, frère? Frère, Ézéchiel 44, là. Vous allez passer vers la vérité. Le fils de l'homme est venu, le buvant, le mangeant. Il avait dit qu'il était un démon. Donc voici le fils de l'homme est venu. Jean-Baptiste est venu bouger la crevette. Ah, vraiment. Mais ce qu'il sait, c'est que le Saint-Esprit va conduire les gens dans la vérité. Il va conduire les gens dans la vérité. C'est pour ça que quelqu'un soit le camion, ça vous dira n'importe comment. Priez seulement au Seigneur que le Seigneur révèle la vérité. Quand vous aurez la vérité, vous allez voir effectivement que la vérité, c'est la vérité. Ça ne peut pas changer. Verset 19. Lorsqu'il, oh mon Dieu, je vais lire à partir du verset 15 là, écoutez bien. Mais les sacrificateurs, juste au chapitre 44 d'Ézéchiel, hein, verset 15 et suivant. Mais les sacrificateurs, les Lévites, les filles de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire. Ils s'approcheront de ma table pour me servir et seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du pavé intérieur, ils revêtiront les habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront le service aux portes du pavé intérieur de la maison. Et dans la maison, ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront, vous voyez les détails sur lesquels Dieu entre. Je ne sais pas si Dieu me permet de se jouer près sur ces choses-là. Les détails minuscules dans lesquels Dieu plonge les regards. Note cela, madame. Note ce sujet qui est venu là. Les détails minuscules auxquels Dieu plonge les regards. Verset 19. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le pavis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Le vêtement. Ah mon frère, ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux. ils ne se raseront pas la tête et ne se lanceront pas non plus croître leurs cheveux. Donc ça doit être vraiment équilibré. Ils ne rasent pas, ils ne coiffent pas tout, mais ça ne doit pas être aussi long. C'est pour ça que vous voyez dans le Nouveau Testament que ce n'est pas une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Vous savez, n'est-ce pas, frère? Mais ils devront couper leurs chevelures. Donc ça continue, tu coupes, ça continue, tu coupes. Mais pour les femmes, il est interdit de couper. Pour eux, ils demandent de couper. Verset 21. Aucun sacrificateur. Voilà du vin. Vous regardez là. Nous sommes au verset 21. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le pavis intérieur. Ils ne prendront point, ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Vous avez entendu ça, frère? Voilà le rôle. Tu as soif avec un mondain, il boit 4 castes, tu bois 3. Tu dis que tu es là comme ça pour l'évangéliser. Et la Bible déclare, c'est à toi de lui montrer ce qui est saint, ce qui n'est pas saint. Puisse Dieu nous aider, n'est-ce pas, frère? Je vous recommande par rapport à cette question entre ses mains. Mais c'est, donc c'est clair que si le Saint-Esprit habite en toi, l'alcool n'habite, ne doit pas y aller. Je crois que ce serait bien qu'on touche le cadre de pour le truc de Saint-Saint, vous savez. Quel est le symbole même du vin, même dans le raisin? Le raisin. La Bible dit que le symbole du raisin, c'est quoi? Puisque nous sommes en train de pousser, de toucher ceci, il y a donc la dispute entre le fait qu'on célèbre la scène avec de l'alcool, quelque chose d'alcoolisé, oui, non, d'alcoolisé, etc. Oui. Vous savez que ce qu'il a dit là-bas, c'est le fruit de la vigne. Dans les quatre évangiles, il a parlé du fruit de la vigne, bien que le mot vin est étudié partout. Là-bas, on a parlé du fruit de la vigne, n'est-ce pas? Dans les quatre évangiles, c'est écrit explicitement, clairement, fruit de la vigne. Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il y en boive de nouveau dans le monde. Vous avez vu ça? C'est écrit nulle part dans les quatre. Il n'y a pas un endroit où on a écrit fruit de la vigne, on a dit vin quelque part. Donc il n'y a pas de confusion. Maintenant, on dit qu'on célèbre avec le vin. Je vais seulement vous expliquer ce qui se cache derrière. Pourquoi vous saisissez? Lorsqu'il a pris cette coupe-là, il a dit que ceci, c'était quoi? Le sang de l'alliance. Qui est versé. Ce sang est censé faire quoi pour le monde? Et l'alcool, la fermentation, est le symbole de quoi au juste? On venait lire dans Ézéchiel 24, ne te faites pas le fruit de visage comme ça. Vous avez dit qu'on est mieux, non? Donc l'impurité dans l'alcool, c'est le Saint-Esprit. Hein? Je dis ceci. On a lu tout à l'heure là que les sacrificateurs ne devaient pas boire de vin pour pouvoir enseigner quoi? Au peuple a fait quoi? Donc ça veut dire que l'alcool était quelque chose de profane ou bien quelque chose de pur? De profane. Mais je commence encore avec la coupe que le Seigneur Jésus tient ces jours-là. Il dit que ceci représente quoi? Qui est versé pour beaucoup, pour plusieurs. Alors, lorsque ce sang-là est versé, c'est versé pour acheter le péché ou bien parce que le sang a péché? Donc, ce sang-ci, son sang est comment? C'est pur, n'est-ce pas? Et la fermentation, le vin, ces choses-là, l'impurité qu'elle intéresse, c'est le symbole du péché ou bien c'est pas le symbole du péché? Ou bien, si vous ne comprenez pas la question, vous posez la question autrement. Le raisin, son symbole, la Bible enseigne que le raisin, son symbole, c'est quoi? Répondez-moi. Si vous ne voulez pas, on a dit à la Bible, on ne peut pas regarder. Vous savez que nous ne marchons pas droit, c'est-à-dire qu'avant que le Christ ne vienne, on ne marchait pas droit. Donc on ne pouvait pas être justifié. N'est-ce pas? Vous êtes fatigué, frère. Vous êtes devenu vraiment comme les gens des doigts là. Vous me regardez seulement comme ça là. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Lorsque le sang est versé, c'est pour nous justifier. De telle façon que ce que nous n'étions pas devant le Seigneur, maintenant nous devenions. N'est-ce pas? Parce que son sang est versé, nous sommes justes devant Dieu. Nous pouvons donc marcher maintenant droit. Merci Père. Allons dans le livre de Luc chapitre 1. Regarde ce que le Saint-Esprit va venir sur le sacrificateur va dire là. Luc chapitre 1. Regardez, suivez attentivement ce que je suis posé comme question. Suivez ce qui est censé arriver à cet enfant lorsqu'il naîtrait. À partir du verset 67, je vais lire. Ça, c'est lorsque Jean-Baptiste, son candidat, son. Luc chapitre 1, mon frère, tu y es. Verset 67 et suivant. Jusqu'à ce que je dise, on stoppe là, regardez. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré Abraham, notre père, de nous permettre, virgule, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, virgule, de le servir sans crainte, verset 75 enfin, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Voilà pourquoi Jésus est venu. Vous avez vu ça résumé là? Donc, je suis en dit ceci. Son sang a été versé parce qu'il y avait un blocage. L'ennemi nous utilisait. Autrefois, on se disait que nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur, dit la Bible. Donc, autrefois, donc, nous marchons dans les iniquités. Maintenant, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été séparés de cette puissance-là, la puissance du péché que l'ennemi utilisait pour nous ténailler. Nous avons été brisés, séparés de cela. Maintenant, nous pouvons servir Dieu, comme le prophète dit ici, comme l'Esprit du prophète dit ici, dans une sainteté et dans la justice, après qu'on soit délivré de cela. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le sang de Jésus-Christ nous a séparés du péché. Un, par des deux, nous sommes saints au devant de Dieu parce que ça nous a sanctifiés pour mettre à part. Trois, ça nous a justifiés. N'est-ce pas? Alors maintenant, on peut marcher devant lui maintenant avec une tête haute maintenant en servant Dieu d'une manière irréprochable. N'est-ce pas? Le symbole donc du sang, donc, c'est le raisin. Parce que c'est ce que la Bible enseigne sur le raisin. C'est ça le vrai problème. Parce que le raisin est appelé la Bible. Vous n'avez pas entendu cela, hein, frère? Bon. Notez donc que le raisin est le jus du raisin. Son symbole, c'est le symbole du sang. Le raisin est le symbole de la justice. Allons-y dans le livre de Deutéronome et lisons cela. Prenez, notez Deutéronome. Puis Ésaïe 5, que nous avons lu aujourd'hui. Notez également ça. Verset 1 au 9. Que Dieu vous bénisse vraiment, mes frères. Deutéronome chapitre 32. Quand vous avez ouvert Deutéronome chapitre 32, vous mettez le doigt, nous allons dans le livre du prophète Isaïe. Là, nous avons lu tout à l'heure là, que c'est une malédiction pour ceux-là qui mélangent les alcools. Là. Je ne sais pas comment quelqu'un peut faire pour boire, je ne sais pas. 32. Si vous donnez le verset, vous allez lire. C'est pour ça qu'il dit que vous mettez en suspense comme ça. Allons dans le livre d'Isaïe chapitre 5 d'abord. Lisons d'abord là-bas. Pas c'est plus détaillé là-bas. Ce n'est qu'un verset. Comment on dit dans Isaïe, Deutéronome. Je veux que nous lisions doucement Isaïe chapitre 5. Je veux que vous soyez attentifs. D'accord, mes frères et sœurs. Je suis encore au niveau de la question 6. Je n'ai pas encore touché la question de la moto. Il y a encore un 4 en bas, 5, 6. Mais ce n'est pas croyable ça. Bon, je crois que le reste, Dieu va nous aider quand même. Ouais, on n'a pas d'obligation ici, on n'a pas écrit là-bas sur une plaque là-bas que 8h, 20h. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui fait que ça nous donne la liberté. Amen. Parce que si on est quelque part, on dit qu'on entre à 20h, tu vas prêcher comme ça, chacun fait comme ça devant. Quand tu vois deux personnes font comme ça, tu comprends qu'on a dit indirectement qu'arrête ta prédication. Voilà. Chapitre 5 d'Isaïe. Écoutez très attentivement. Je chanterai à mon bien-aimé, le cantique de mon bien-aimé, sur sa vigne. Vous avez saisi qu'on a dit déjà, n'est-ce pas? Ok. Mon bien-aimé avait une vigne. Mon bien-aimé avait une vigne. Sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des fois. Encadrez ça dans votre Bible déjà parce qu'on va y arriver tout à l'heure. De bons raisins. Mais elle en a produit des mauvais. Soulignez, entouré bons raisins puis le mauvais. Maintenant, après, quand vous allez souligner, maintenant, regardez-moi, vous posez des questions, mais regardez, vous me répondez. Selon vous, de quoi est-ce que le prophète parle ici? Il parle du peuple d'Israël. Ah, il parle du peuple d'Israël, j'aime ça. Vous avez vu? Donc, vous lisez le livre des prophètes. Vous savez qu'on n'a pas appelé le nom d'Israël, mais vous lisez, vous comprenez que c'est d'Israël qu'on a parlé. Peut-être qu'on a parlé des champs, des champs qu'on a fait comme ça, le côté sur le côté fertile. On a creusé le sol, n'est-ce pas? Bon, ok. Il a dit de prendre cette chose de la nature pour nous parler d'Israël. On va aller donc en Israël, on va savoir de quoi il est question. C'est-à-dire qu'il dit qu'il avait planté, il attendait de bons raisins, ça a produit du mauvais. D'accord? Avançons seulement dans la lecture. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisons? On a souligné ça, n'est-ce pas? En a-t-elle produit de mauvais? On a souligné ces deux mots-là, n'est-ce pas? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Écoutez verset 7 maintenant. Si vous n'avez jamais écouté ce qu'il dit, soulignez ça dans votre Bible. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Donc chaque fois que les paraboles ont commencé à parler, quand on parle de la vigne dans la Bible en parabole, sachez qu'on a Dieu à l'Éternel d'Israël. Vous y êtes, n'est-ce pas? Écoutez très bien. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ils avaient espéré de la... Tout à l'heure, vous avez... il a dit dans la parabole qu'il espérait quoi? Je ne sais pas comment c'est décidé, je ne sais pas, je vais fermer parce qu'il faut que je sois. Je suis dans les détails, toujours beaucoup, vous savez ce qu'il a dit. Voilà, il espérait dans la parabole. Dans la parabole, il a dit clairement que la vigne, c'est la maison d'Israël. Le plan de l'Éternel, c'est la maison de Juda. Il a dit en haut, là-bas, qu'il espérait. Mais ici, on dit que. Il a expliqué maintenant que ce qu'il espérait, c'était quoi? Donc, le bon raisin est le symbole de la droiture. Bien, la droiture, c'est symbolisé par le bon raisin. Je crois que ce qu'on a vu dans le truc des semences, la postérité. Où il a parlé des fils de malin, le livret, ainsi de suite. D'accord? Il dit qu'il avait espéré de la droiture. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et voici du sang versé. Donc, le mauvais raisin, c'est le sang versé. C'est pas ça, frère? Avançons ici. Puis il dit, je crois qu'on a fini là, n'est-ce pas? Non. On est où? Oui. De la justice, et voici des cris de détresse. Donc, le deuxième volet de cette intégration. Il dit qu'il avait espéré quoi? De la justice, et voici quoi? Les cris de détresse. Donc le premier volet, c'est quoi? La justice représente quoi? Le bon raisin. La justice. Alléluia. Ok, maintenant, allons dans Deutéronome chapitre 32, verset 14, la partie C. Deutéronome chapitre 32, la partie 14, le chapitre 32. Deutéronome. Chapitre 32, verset 14. La partie, c'est frère. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Comment pour ouvrir le nom de Dieu? Putain, je vous dis aujourd'hui là, de mettre le doigt là-dessus. Prélis donc, verset 14, la partie. Tu y es, frère? Oui. Lis-nous la partie, c'est parce que c'est long là. Regardez la partie A. Avec partie la fleur du froment. Oui. Et tu as bu le sang du raisin. Oui. Regardez-moi maintenant. Vous avez vu ce qu'il a dit là-bas? Le sang du raisin, c'est appelé quoi? Donc il faut faire attention à la Bible. C'est pour ça qu'il vous dit, je nécessiterai de vous répéter. Si vous avancez, s'il y a une question qui est posée, ne vous aventurez pas à répondre sans comprendre. Parce qu'il pourrait que vous répondez à quelque chose et vous contredisez la parole à quelque part. Vous voyez? Il a donné des trucs prophétiques là-bas par rapport à cela. Après, il arrive ici. Il avait bu quoi? Ils ont bu quoi? Du sang du raisin. Et il dit que c'est le sang du raisin, on appelle ça quoi? Le vin. Le sang du raisin, c'est qu'on a bu. Le raisin, ça sort. Il appelle ça, c'est le sang. Le vin. Donc, le sang du Seigneur Jésus-Christ qui doit manger, qui doit être versé pour rendre les voies droites, ne peut pas contenir des choses qui sont mauvaises. Y compris donc le symbole qui représente cela. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre le pain avec le pain levé pour représenter le corps du Seigneur. Parce que le levain qui est à l'intérieur est un élément néfaste pour montrer que le corps de Christ était saturé de péché. C'est ça, n'est-ce pas? C'est un corps saint qui a été expié là-bas, qui a été fait expier. Vous ne pouvez pas prendre le vin, ou le jus du raisin, vous appelez le pain kumba. Le pain où il y a la levure là, pour dire que okay, ce n'est pas important, l'important que ce soit du pain. Il faut qu'on comprenne les symboles. Parce que c'est Dieu qui parle en symbole. Il nous explique le pourquoi il en a parlé. Amen. Je crois qu'il faut que je regarde ici s'il y a des questions par rapport à ça. Frère, puisque la Bible nous dit que Jésus-Christ est notre Pâque, dont le chrétien vit la Pâque chaque jour. Non. Vous voyez, ma question est que la Sainte Cène doit-elle obligatoirement se prendre le 14 décembre? Bonne question. Donc, pour ne pas que je me répète, il y a ça déjà à l'intérieur là-bas. Bon, mais glissons sur ça. Je vais être bref d'abord sur cette question aussi parce que j'ai pris ça parce que ça a à voir directement avec ceci. Frère, puisque la Bible nous dit que Jésus-Christ est notre Pâque, dont le chrétien vit la Pâque chaque jour. Non, ce n'est pas comme ça. Jésus-Christ est notre rédempteur. Nous n'avons pas la rédemption chaque jour. Quand tu as la rédemption, le jour de la rédemption va venir plus tard. Pourtant, il est notre rédempteur, n'est-ce pas? Vous me saisissez, n'est-ce pas? Christ Jésus est notre rédempteur. Mais la Bible déclare que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Ce n'est pas parce qu'il est notre Père qui est comme ça. Là. Lorsque l'agneau pascal, l'agneau, comme vous disiez, Ésaü chapitre 12, je crois que c'est ici on a parlé de ces choses-ci. Mais c'est où j'ai parlé cela. Bon, lorsque vous prenez Ésaü chapitre 12, vous lisez, il dit dans ce chapitre, verset 3 et suivant, là, que le 10e jour, vous prendrez un agneau, ce sera un agneau d'un an, ainsi de suite. Lorsque vous prenez cet agneau, vous la sacrifiez. Et chaque jour que vous mangez cela, cet agneau-là est fait pour un temps. Il a dit dans Ésaü chapitre 13, verset 10, que cette fête, vous allez la célébrer au temps fixé, au temps marqué, d'année en année. C'est pour ça que Christ a dû attendre jusqu'à ce que ce soit un moment bien précis pour le faire. Et c'est ce que les disciples faisaient. Les disciples ne savaient pas, on ne célèbre pas la Pâque chaque jour comme on le voit. Dieu n'a pas laissé la liberté aux gens de célébrer comme ils veulent. Comme j'entends les gens dire que j'ai fait pour moi dimanche, j'ai fait pour moi l'autre une fois par mois. Ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Le verset de 1 Corinthiens 5, verset 7, dont vous avez pris cette question, c'est en disant que Christ notre Père a été sacrifié, a été immolé. Il est dit là-bas, le voleur souvent dit, célébrons donc la fête, non avec du pain, de vieux levain, ainsi de suite. Vous voyez, avec le vieux de malice, mais qu'on marche dans la droiture. On célèbre la fête de la Pâque, mais de façon nouvelle maintenant, avec les auspices maintenant de la chrétienté. D'accord? C'est pour cela qu'il faut célébrer à l'époque précise. Vous dites, le Seigneur qui dit, faites ceci à mémoire de moi. Donc c'est une commémoration. Une commémoration. Quand vous faites quelque chose, une commémoration, par exemple, quelqu'un qui célébrerait, comment on fait l'indépendance du Cameroun? Est-ce qu'on fait l'indépendance du Cameroun chaque fois? Mais le Cameroun est toujours libre. Le Cameroun est toujours libre, mais pourtant on ne célèbre pas l'indépendance chaque jour. Si on se souvient que c'était le 1er janvier 1960, alors chaque 1er janvier, on va le célébrer. Si on dit que, ok, c'est le 20 mai, alors chaque 20 mai, on commémore pour se souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. Le bon sens voudrait cela. Mais les chrétiens les plus désordonnés, où est-ce qu'ils ont pris ça à un corrigé de cas, toutes les fois que vous en mangerez? Ils ont dit que, ok, on nous a dit de manger tous les fois. Il a dit, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, chaque fois que tu le fais, c'est le Seigneur que tu envoies, que tu annonces. Il n'a pas dit que faites cela tous les fois. Si je fais ça cette année, je viens d'annoncer le Seigneur, me rappeler que le Seigneur est mort. L'année prochaine, quand il le fait, je vais annoncer que le Seigneur est mort et ressuscité pour moi. L'année suivante, c'est pour le prochain qu'il veut faire. De la même façon, quand le Juif, le 14 décembre de l'année qu'ils sont sortis de l'Égypte, quand ils vont faire ça, ils annoncent du fait qu'ils sont sortis de l'Égypte. L'autre année, quand ils le font, ils annoncent que c'est le rappel de ce qu'ils ont fait en sortant de l'Égypte. Ce n'est pas que comme ils sont sortis de l'Égypte, ils sont libres maintenant, je célèbre ma liberté chaque jour. Non. Je vis ma liberté, mais je la célèbre pour marquer autant marqué. La Bible déclare effectivement que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis. On vit la liberté, mais on se souvient de l'époque de marqué pour la liberté qu'il nous a délivré, exactement comme le Juif le faisait. Souvenez-vous, Israël a la même marche que l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai une question. Oui. En fait, c'est dans. Peut-être ça devait s'inscrire dans la question qu'on a répondu avant. Oui. Parce que vous rendez ça comme une pierre à chaque aussi. Oui. Dans Romains 14. Oui, par rapport à celui qui fait la distinction entre ceci et ceci. Oui. Celui qui dit qu'il ne voit pas, tel que l'autre jour est long. Voilà. Oui, parce que nous, on peut comprendre le plus important est maintenant, lorsque tu vas prêcher ça aux gens, oui. Que tu es par rapport à un sujet. Oui. Quelqu'un te dit que tu es en train de me dire ceci, voici. Oui, oui, bonne question. Après cela, rappelez-moi Jean dans ce Romains chapitre 14, là, pourquoi voit ce que l'apôtre Paul a parlé. Pendant que tu y es, je regarde, note également Colossiens chapitre 2. Parce que lorsqu'on en a parlé comme ça, je me souviens bien, il y a un garçon à qui, comme on a souhaité bonne année, si j'ai envoyé bonne année. Il a dit que c'est pourquoi. J'ai envoyé le deuxième. J'ai tenté de regarder pour voir s'il allait me poser la question pour comprendre. J'ai compris qu'il voulait me donner une leçon. Quand il voulait dire, tape telle chose, j'ai vu qu'il a tapé que je dis enlevé ce qu'il voulait dire. Il m'a envoyé Galate. Tu sais ce qu'il a envoyé la Galate? Vous célébrez les jours, vous célébrez les sabbats. Je crois avec le prochain en vain. J'ai dit, ok, il a touché, il ne fallait pas toucher. Donc, il a dit, il veut me dire que comme on a dit, célébrer ça pendant le 14 Nissan, on a dit d'observer les jours. Tu sais ce qu'il fait? Je suis allé dans l'acte de l'apôtre, prends exactement ce que l'apôtre Paul a fait. Il dit que je vais faire tout et tout pour être à la Pentecôte à Jérusalem. J'ai pris ce que je lui ai envoyé. Car avant qu'il ne réfléchisse encore, j'ai envoyé l'autre. Il dit que pendant l'époque de la jeûne était passée, j'ai envoyé. Il dit que nous étions le 14e jour, le 16e jour, nous étions réunis, j'ai envoyé. Pour lui montrer que si l'apôtre écrit que le 7e jour, nous étions réunis, ils ont compté à partir d'un calendrier. C'était l'époque de jeûne était passée. Dans Lévitique chapitre 23, hier, nous avons vu effectivement que l'époque de jeûne, c'est au 7e mois. Le 1er, le 10e sont les sabbats. Et l'apôtre, le quoi? C'est le Luc, en écrivant Actes des Apôtres, dit que l'époque déjà était passée. Donc il savait effectivement que c'était l'époque. Il s'était passé. Dans Actes des Apôtres, il a écrit cela. L'apôtre Paul dit qu'il faut qu'il fasse, j'arrive si c'est possible, je vais célébrer la fête de la Pentecôte. Il dit clairement que je vais célébrer la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Il dit ça alors que la Pentecôte, qui symbolisait le vrai descendant du Saint-Esprit, était passée depuis 30 ans. Quelqu'un veut me prendre le passé, il a écrit en galère, ne comprenant pas ce qu'il en a dit là-bas. Parce qu'à Galates, il a dit pour le faire, effectivement, il a dit de parler que les païens ne rentrent pas dans la culture juive pour aller commencer à prendre des choses. De cette façon-là. Donc il y a un pied d'achèvement. Quand il dit comme ça, il dit que allô, allô, allô, il a plus écrit, il avait eu la dose. Alors, tu vas voir effectivement dans Colossiens chapitre 2, parlant de ces choses-là, il a dit que personne ne vous juge autre que celui d'une nouvelle lune ou de sabbat, car c'était de l'ombre, le corps est en Christ. Qu'est-ce qu'il a de dire aux Colossiens? Qu'est-ce qu'il a de dire? Ce sont ceux qui célébraient, qui lui disaient que parce que les gens. Quelqu'un m'avait parlé de ça parce que j'ai dit la fête des Noël est diabolique. La personne a sorti ces versets-là. Il a dit que personne ne vous juge au sujet d'une nouvelle lune aussi. Il ne comprend pas qu'aux Colossiens, c'était plutôt les gens qui leur disaient de fêter ça. Avant que la propre dise que vous n'avez pas besoin de fêter ça. Alors ici, ils sont des types ne faites pas ça. Il dit qu'il me prend ce même verset pour dire parce qu'on n'a pas compris ce qu'il en est. Donc on va lire le livre de Romains au chapitre 14. Parce qu'il y a un frère en Belgique qui m'avait lu parce que quelque part là-bas dans ce chapitre 14, après on dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. On va arriver là-dessus. Qu'en est-il de 1 Corinthiens 11, 20 précisément? Voilà, lorsque vous vous réunissez, bon, il y a une chose dans ces 1 Corinthiens que j'aimerais préciser. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 par rapport à la scène, vous allez remarquer que l'apôtre Paul dit à un moment donné que lorsque vous vous réunissez, chacun se met à temps en prendre pour son propre repas alors que l'autre est ivre. Vous avez vu ça dans votre Bible? Il est dans le livre de 1 Corinthiens 11 là. Je ne sais pas si c'est ça que cette personne voulait relever, c'est parce qu'elle a noté 1 Corinthiens 11, 20 ici. Alors on dit donc que lorsqu'on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas. Donc les gens, c'est clair là-bas que les gens apportent le repas. Lorsque vous voulez célébrer la Sainte Seine ici, si le couple vient avec son repas, celui qui vient avec son repas, vous, vous mettez là-bas sur la table, vous rendez grâce à Dieu, puis vous faites ce que vous avez à faire. Puis il y a du pain et du jus du raisin là-bas. Donc dans ces 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul à un moment donné fait état du fait que pendant qu'on se met à table, d'autres personnes sont ivres. Si le verset d'un dit plutôt que lorsque vous vous réussissez, ce n'est pas pour prendre le Non, vous voulez dire que dans ce, à un moment donné, ils disent que c'est cet aspect qui va être traité. Oui, je ne sais pas ce que la personne voulait dire. Qu'en est-il des 1 Corinthiens 11, 20 précisément? Ok, lorsque vous vous réunissez, pas pour prendre le repas du Seigneur. Le langage qui va être utilisé, c'est ceci. Vous ne savez pas que quand vous vous réunissez là-bas, c'est pour prendre le repas du Seigneur. C'est ce qu'il a dit, vous l'a dit. C'est le français, la façon qu'on a traduit de l'original à français, à rendre français, qui est le problème. Il dit que vous ne savez pas que. Prends le verset 17, voir. Verset 17 dit en donnant cet avertissement. Ce que je ne vous loue point, oui. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous voyez? Donc vous ne savez pas que vous réussissez, c'est pour le pas du Seigneur. Après, il va commencer à décrier ce qui se passe tout autour. Maintenant, avant cela, jusqu'à on voit là où il a dit que les gens sont ivres. Suivez attentivement, il vous dit quelque chose. Voilà, verset 21. Car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Oui. Et là, enfin, tandis que l'autre est ivre. Bonne question. Maintenant, je pose la question. Que veut dire être ivre? Je pose la question. Okay. En admettant que le vin de la Sainte-Sainte a de l'alcool, frère, si on met le verre, on donne à chacun que chacun boit, ça va saouler. Donc il a dit que les gens viennent là-bas à la table là, étant ivres. C'est ce qu'il a dit. Il a dit de les reprocher cela. Donc les gens, un frère a pris en France, il dit mais frère, vous lisez les versets comment? Celui-ci a eu faim, c'est sur la table qu'il a eu faim. On a dit qu'on se met à table, quelqu'un va prendre en faim, que l'autre a faim. C'est subitement là où il a eu faim. Parce qu'on dit que c'est sur la table que celui-là est ivre. On n'a pas dit sur la table, on dit qu'il se met à table pendant que l'autre est ivre. Comment l'autre est ivre? Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas autour de la table? Il dit que c'est le vin de l'église. Quand on prend ça, c'est pour dire que ça veut dire que le vin de la Seine, c'est un contenu de l'alcool. Ils ne connaissaient même pas comment on devait faire au niveau de la table. C'est pour ça que la Pope parlait de rectifier les choses là-bas. Donc quelqu'un vient au niveau de la Seine, il est ivre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Il va détailler ce que chaque verset 32 là pour dire qu'il faut que chacun s'examine avant de s'approcher pour manger. Pour qu'ils puissent se réveiller, pour qu'ils comprennent que c'est une table saine. Il ne faut pas qu'on excite la colère du Seigneur. Il dit que c'est pour cela que ça veut dire que les Corinthiens ont eu à célébrer ça. Ils croient que c'était les fêtes païennes, comment faire les bruits, comment. Ils ont eu à célébrer ça. L'apôtre Paul leur dit, lui, une révélation que le Seigneur vient lui donner. Il dit qu'en fait, les gens sont morts à Corinth dans l'église là à cause de ces choses-ci. Il dit beaucoup sont tombés malades, beaucoup sont handicapés à cause de cela. Parce qu'ils sont approchés sur la table du Seigneur, pas n'importe comment. Les gens croient qu'ils peuvent manger n'importe comment, faire n'importe comment de cela. Quand tu déposes la nourriture sur la table, ce n'est plus ta nourriture. Quelqu'un vient déposer là comme ça, il dit que frère, Henri, il aime tout travailler. Moi, je suis sorti, il est là, à Boudaï, à Landoc. Mange notre propre repas. Vous voyez cela? Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Lorsqu'on dépose là-bas à la table du Seigneur, le Dieu du Seigneur sait que c'est la commémoration. Il connaît parce que c'est lui qui l'a ordonné. De la même façon, comment on commence à laver le pied? Si vous lavez le pied maintenant, vous lavez le pied maintenant de façon inutile, peut-être un frère est malade, on le porte pour laver le pied. C'est un peu le laver le pied que la Bible dit. Mais quand c'est solennel, il sait effectivement que c'est le laver le pied qui l'a ordonné. Vous savez, n'est-ce pas? Alors il faut qu'on fasse attention. Ici, il dit que l'un se met à table, l'autre mange son propre repas, tandis que l'autre a faim et l'autre est ivre. Il dit, un frère a pris, d'après moi, il dit que voilà la Sainte-Sainte. Il dit que frère, oui, en admettant que c'est comme ça, c'est combien de casiers de pierre de Sainte qu'on fait pour faire la Sainte-Sainte, pour que quelqu'un, les gens soient ivres à l'intérieur, que tous les gens soient ivres autour de la table. Il a fermé la bouche, il a raccroché. Parce qu'on veut toujours chercher le sexe de l'ange, chercher le sexe de l'ange. Si ceci est confus, allons là où l'original s'est passé. Jean, Matthieu, Marc, Luc, regardons comment ça s'est passé. C'est une coupe pour tout le monde. Et là-bas, par rapport à la coupe que nous buvons tous, donc c'est une seule coupe qu'on boit. C'est pas que chacun boit son vin, apporte son gagne. Oh, Jésus est mort pour nous. C'est pas ça. Non, il venait là-bas étant ivre. Il se comportait avec le, comme il fêtait n'importe où. Il venait ça avec cela. Alors l'apôtre Paul a dit que c'est pas comme ça qu'on se comporte. Amen. Oui. On dit qu'ils étaient tous les jours assis tout le temps pour partager mon père et mon père, pour le sentir, s'il ne s'agit pas de cela, voilà autant de choses. Vous vous posez la même question, dit que les choses, si vous ne savez jamais fait bavarder, les mêmes choses à l'intérieur là-bas dans la Bible. Non, c'est pas. Luc chapitre 24, prends là-bas. Prenons Luc chapitre 24 rapidement. Il y a un seul passage et puis j'avance là-bas. Donc, il y a des enseignements là pour cela. Après, quand il dit que suis, tu vas dire que tu étais au garage. C'est mon frère là-bas. C'est pas sa frère. Donc, il dit que la voiture est plus importante que la Bible qui lui casse la tête là. Après, il va dire comme Ferdinand que pour moi, c'est la lecture de la Bible. Pour lui, c'est aller chercher l'argent. Maintenant, je ne sais pas s'il pourrait lire dans cette histoire de luxe là-dedans. Chapitre 24. Mais c'est pas croyable. Bon, vous savez, le chrétien d'Emmaüs, n'est-ce pas? Ok, nous allons le suivre à Emmaüs là-bas à partir du verset 13, mais on ne va pas lire comme ça rapidement. Allons-y à partir du verset 28. Verset 28. Donc, on va lire verset 28 à verset 30. Laissez-moi lire parce que ici, ce n'est pas quand même trop touffu. On y va. Luc chapitre 24, verset 28 à 30. Histoire de vous lire, de répondre à la question du frère de rompre le peuple, puis lui expliquer rapidement quelque chose. Lorsqu'il fut arrivé, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui a deux disciples sont en train de quitter Jérusalem pour Emmaüs. Il les rencontre en route, il fait chemin avec eux. Il commence à leur expliquer, le verset 13 et suivant dit qu'il a commencé à expliquer depuis Moïse et les psaumes pour ce qui le concerne dans les Écritures. Comme ils continuaient maintenant, ils sont arrivés près du village. Et comme la nuit tombait, il a dit que reste avec nous. D'accord? Verset 28. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Écoutez-le maintenant. Verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, rompre le pain dans l'expression des justes et des casse-croûtes. Comme on peut arriver quelque part, on prend un petit pot. Comme dans notre langage, on dit qu'on prend un petit pot. D'accord, quand quelqu'un vient à la maison, vous échangez un petit pot et puis on part. Dans leur langage, c'est ça, cache pour. Parce qu'il n'y a pas de nourriture chez les juifs sans le pain. C'est le pain qui est la nourriture de subsistance. D'accord? C'est ça que tu entends dans le pain. Si tu donnes ton propre pain à celui qui a faim. Donc la nourriture de subsistance. Il y avait toujours le pain sur la table. Que Dieu vous bénisse. D'accord, frère? Donc il y a ça dans les enseignements là-bas. Quoi que c'est ici, c'est bon ici. Verset 6, la question numéro 6, c'est Colossiens 3, 19. J'aimerais comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire par. Et vous n'exécutez pas contre elle. Ça, c'est, je crois que c'est Marie ici. Oh, bonne question ici. Donc, nous allons prendre. Depuis le verset 18, ici, il est en train de parler. Dans ces Colossiens chapitre 3, il donne les instructions au Père. Il n'est pas cité contre les enfants. Et il donne les instructions au Père, aux enfants, aux serviteurs et aux servantes. Waouh! C'est la guerre que vous allez attaquer ici maintenant. Vous voyez, quelqu'un tient la plume comme ça, vous pouvez savoir ce qui est sur le cœur de la personne. En lisant ça, c'est la guerre ici. Bon, c'est bon que nous lisons dans depuis le verset 18. 18 est dit, lisons. D'abord, un frère, vous êtes d'accord que nous lui répondions à ces questions-ci? Il y a des moments où on répond, c'est 1-0 pour les hommes. Le moment où on répond, c'est 1-0 pour les femmes. Il n'y a pas de problème, mais ici, c'est pour la vérité. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 18 et 19, frère. Femmes, soyez soumises à vos maris, oui. Comme il convient dans le Seigneur. Oui. Marie, aimez vos femmes, oui. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Oui, Ce que j'ai remarqué dans le corps du Seigneur depuis qu'il sert le Seigneur, c'est ça. Vous voyez, un mari s'assoit au bain, il a dit de voir comme ça, il voit les chrétiens qui marchent avec des trucs de plat qu'on a écrit comme il a la maison, que prier sans cesse, il voit, il a beaucoup de choses. Et ma maison, moi et ma maison, c'est venu au Seigneur. Après, il voit un endroit. Femme, soyez soumise à vos maris. De l'autre côté, la place, c'est mari, aimez vos femmes. Il regarde comme ça, il achète femme, soyez soumise à vos maris. Il colle ça là-bas en haut. Quand tu fais n'importe quoi, il dit que regarde ce que ta Bible dit, que femme, soyez soumise à ton mari. Oh, de l'autre côté, il était écrit que mari, aimez. Et même il n'achète pas l'autre là. Donc chacun tire la couverture de son côté. Cette personne-ci a tiré la couverture de son côté. Elle a coupé le verset 19. Le Saint-Esprit dit qu'on commence à voir le verset 18. Pourquoi peut-il avoir des sujets d'écrissement si la femme est soumise? Puisque Dieu a promis que cette femme-là sera honorée. Son mari est apprécié à la porte. C'est parce que la Bible nous enseigne par rapport aux femmes vertueuses. Donc la question c'est ceci. Merci Père, merci pour tout ce que tu nous fais. J'aimerais comprendre ce que le Saint-Esprit dit par « Il ne vous écrissez pas contre elle ». C'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas trop soumise. Lui se fâche aussi. C'est ce que ça veut dire. En fait, dans cette relation-ci, si chacun prend son rôle, chacun va jouer son rôle. Si le mari ne permet pas aimer la femme, toi, sois soumise. Dieu va traiter son cœur. Si le mari aime sa femme, la femme n'est pas soumise, à partir de cet amour-là, Dieu va faire. Tu ne peux pas être malade, comme ça dit. Comme Jésus a dit effectivement, il dit que tu as la poudre dans ton œil. Attends, j'enlève tes pailles qui sont dans tes yeux. Comment tu vas faire pour enlever la paille dans les yeux de quelqu'un alors que tu as la poudre? Il faut d'abord enlever. Il dit hypocrite, enlève d'abord. Comprenez, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué l'histoire des colonels dont nous parlions, dont son frère est venu ici aujourd'hui. Celui qui venait de ce soir. C'est le grand frère du colonel là ici. Quand je suis allé à Garoua, comme on le dit dans l'avion en haut pour la surveillance, sa femme dit que, pasteur, il faut parler au colonel, hein. Il faut parler au père. Il appelle père. Je veux toucher ça, puisque nous sommes dans ce cadre-là. Il appelle, je crois que c'est ici, j'ai déjà expliqué ce que c'est ici. Que le père des mains, qu'il faut parler au père des mains. Le père des mains, c'est encore qui? Il dit que c'est le père, non? Donc il appelle son mari le père. Comment tu vas appeler ton mari le père? Si c'est ton père, il va faire comment? Il va aller chercher celle qui l'aime là-dehors. Quand il va passer dehors, les femmes vont lui dire, chérie, toi, il y a une maison, tu dis le père. Que va demander le père? Vous voyez, c'est une femme qui appelle son mari le père. Que mon père, ton père, et l'autre qui t'a accouché, comment il s'appelle alors maintenant? Il faut qu'on fasse attention. Ces choses-là nous éloignent de cela. Alors maintenant, elle dit, il faut parler au père. Elle aime trop les femmes. On était à la maison. Lui, il était dans l'avion. Il était promenant. On avait dit que laisse. Pour le moment, il est dans l'avion. Restons ici. Lisons le livre de 1 Pierre chapitre 3. On a lu 1 Pierre chapitre 3. Marie, femme, soyez soumise à vos maris. Il dit que arrêtons de ces versets. Il dit que restons dans ces versets. Tu es soumise à ton mari. Quand vous voyez quand quelqu'un réfléchis pour répondre. Ce sont les réponses évidentes. Oui. Tu as porté le blanc, c'est automatiquement oui. Comment on va dire que tu as porté le blanc? Comment on va dire que. Tu regardes. Il regarde, regarde. C'est qu'il n'a pas porté le blanc. Alors il commence à réfléchir. Il dit ok, ne réponds pas. Il dit que soyez soumis à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole en voyant votre manière de vivre sans. Ça veut dire que Dieu va nous faire observer. C'est ce que Dieu a promis. Dieu va, de la même façon comme il a dit qu'on fait grandir les enfants suivant la voie qu'ils doivent suivre. Et Dieu dit là-bas que quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Donc Dieu promet qu'il ne va pas s'en retourner. Parce que la construction future de l'enfant s'est faite lorsqu'on a bâti son cœur sur le roc. Si le territoire est vierge, là, comme les enfants sont, si le territoire est vierge, quand ils vont à l'extérieur là-bas, n'importe quoi est semé dans leur cœur. Et par conséquent, il faut semer rapidement la parole sur leur cœur pour que ça soit enraciné. Pour que plus tard qu'elle va grandir, tu vas toujours le mettre en contact avec ceux qui vont grandir. C'est pour cela que si vous avez grandi dans une famille chrétienne, on va chanter un son. Ça va rappeler toute votre année d'enfance dans cette maison. Pourquoi? Parce que ça a été semé. Même si tu n'es pas conscient, c'est tout à l'intérieur. Subitement, tu te rappelles de quelqu'un de cette maison que tu n'avais pas pensé. Donc, l'atmosphère et ces choses ont fait l'état, c'est que tu sais que, en fait, on se retrouve dans cette condition. C'est pas que tu viens de te souvenir, ça se trouve à l'intérieur, ça m'a été réveillé. Dieu donc promet que si tu fais grandir les enfants dans cet état-là, quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. C'est ce qu'il a promis. Donc, ta part, c'est quoi? Oh, il ne faut pas qu'ils protègent les enfants. Il faut faire grandir les enfants. Parce que quand ils vont grandir, quand tu vas faire suivre les enfants dans cette voie-là, Dieu promet que quand ils vont grandir, à un moment donné, il n'est plus sous ta surveillance. La femme va grandir dans cette maison, c'est plus tard qu'à l'université. Tu seras obligé seulement d'envoyer l'argent chaque fois. Tu viens maintenant dans sa chambre, si tu joues avec une fille couchée sur lui, il dit c'est ma camarade de classe, tu vas faire quoi? Il va dire, papa, tu vas faire ton temps. Mais dès le départ, il va falloir que tu sèmes ce que Dieu a dit. Le reste, c'est sa responsabilité. Donc maintenant, s'il est n'importe où, tu dis Seigneur, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est ce que Dieu a dit. Donc il ne faut pas faire ta part, tu dis que tu ne fais pas ta part, tu commences à regarder pour Dieu. Donc de la même façon, si tu ne veux pas commencer à dire que ma femme est trop insoumise, ma femme est trop insoumise, non, ne fais pas cela. Si ta femme est insoumise, chaque fois qu'on va te parler de mari et de femme, dans la Bible, on donne pour quelqu'un, on donne pour l'autre simultanément. Dans Éphésiens chapitre 17, on dit la même chose. Femme, soyez soumise à vos maris, comme l'Église l'est pour Christ. Marie, soyez aussi, ouais, n'est-ce pas? Éphésiens, même chose, chapitre 5. Alors, lorsque le mari va regarder sa femme, si tu vois que ta femme n'est pas soumise, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes d'abord si tu aimes ta femme. Première chose, regarde d'abord si tu aimes ta femme. Il ne faut pas seulement dire que je la déteste. Quand tu l'aimes, tu dis non, je la déteste pas, c'est pas ça. Tu l'aimes, la réponse est soit oui, soit non. D'accord, frère? Parce qu'on aime la position intermédiaire, parce qu'on est dans l'âge de la Odyssée. La position intermédiaire où Dieu où nous promet. Si tu l'aimes, tu fais comme ça. Je l'aimais. Non, tu l'aimes. Il faut s'insérer, n'est-ce pas? La réponse est soit oui, soit non. Si tu réfléchis, il y a un problème. Donc, il y a de quoi l'autre esprit va agir sur elle pour la rendre insoumise. De la même façon, si la femme est soumise et que son mari ne l'aime pas, il faut vérifier encore. Si la femme dit qu'elle est insoumise, alors on doit poser des questions pour savoir si elle est soumise, oui ou non. Il y a des tests dans la parole pour se tester. Alors, on regarde si quand son mari parle, est-ce qu'elle élève la voix? Si elle élève la voix, elle n'est pas digne d'être appelée sainte femme. Vous savez, n'est-ce pas? La Bible dit qu'elle était douce et paisible, silencieuse. C'est pas ça, mes soeurs? C'est 2-0 là maintenant. Donc, j'aimerais comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire par. J'aime ça. Ce que le Saint-Esprit veut dire par. Et ne vous aigrissez pas contre elle. Maintenant, remarquez très bien. Après, non seulement le Saint-Esprit parle comme ça pour la femme, il parle aussi pour les enfants. Pour les enfants. Parce qu'il y a des choses que tu fais sur les enfants. Ça va le pousser plutôt à la rébellion. Et j'étais l'un de ces produits. Quand j'habitais quelque part, je n'aimerais pas qu'on me dise de faire un travail. Je peux le laisser un jour, vous appendez, je me lève comme ça là. Je décide que toute la concession, si jusqu'à dehors, ça va être propre. Je travaille comme quelqu'un qui a fumé le manga. À un moment donné, je reste comme ça. Tu dis que prends la table là, tu mets là-bas. Je ne fais pas. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je ne fais pas. Il dit tu bavardes, tu prends le pot quoi. La table est là, tu ne bouges pas. Vous savez, n'est-ce pas? Or, maintenant, quand je regarde maintenant dans mon background, j'ai compris que j'aimerais toujours faire un travail en étant dans la joie. C'est-à-dire que quand tu fais, tu le fais bien et tu es dans la joie. Pas qu'on me force pour faire quelque chose. C'est ce que je regarde dans le passé. Maintenant, si un enfant est comme ça, il faut étudier votre enfant pour savoir. L'enfant peut être là comme ça. Là. Mon petit-fils, mon enfant à la maison, il était malade, couché dans le lit. J'ai pris le remède, il m'a dit que tu lèves-toi, prends le remède. Il s'est levé comme ça du lit. Il dit, bois ça toi-même. Il s'est recouché. Oui. Il a 3 ans. Il me dit, bois ça toi-même. Je suis resté. Quand tu étais là ce jour-là, j'ai dit, mais ce garçon, il pense tout ceci. Un enfant de 3 ans. Ça veut dire que c'est 3 mois, elle est sur le lit comme ça. Je prends le truc, le sirop pour venir nous donner. Elle fait comme ça. J'ai dit, 3 mois. On s'est déjà dit non. À 3 mois, c'est terrible. J'ai commencé à les taper. Celle-là, particulièrement, je tape, sa mère est là. Je tape comme ça, pour rester ici, balancé sur le lit comme ça. Pam. Elle tape sur le lit, monter et descendre. Elle dit qu'elle ne doit pas mourir. C'est 3 mois, elle te dit non, elle fait comme ça. Qui lui a appris qu'on dit non comme ça là? Elle n'est pas sortie, elle n'est pas née, nulle part. Donc faisons attention avec les conditions de vie. Donc il y a aussi le traitement entre les parents et les enfants là-bas. Il dit que pour les enfants, que des peurs qui ne se découragent, des peurs qui ne se découragent. N'irritez pas vos enfants, des peurs qui ne se découragent. Il faut souvent l'encourager. Même si l'enfant fait souvent cette faute, il y a des moments où il ne faut pas réagir, des tics au tas. Tu laisses l'enfant, est-ce que c'est ce que tu as fait? Mon enfant, mon premier garçon, quand il aime quand je le cajole, je le mets devant ses responsabilités. Il a moins de 4 ans. Quand il est sorti, comme on a voyagé là, je lui ai dit que c'est toi le chef de la maison. Il est content. Il dit que, j'ai dit, voilà ta soeur, tu dois les suivre, tu dois les veiller, si quelque chose arrive, c'est à toi qui me demander, tu as compris? Il dit oui papa. Il dit, je suis le prophète, mais je vais prier. Il prend le micro. Vous voyez, il commence à prendre les responsabilités. Et quand il fait des choses qui sont mauvaises, il me regarde, effectivement, j'ai fait la tête, j'ai fait mon visage, comme si je suis fâché. Il est désolé, tu vois que ça le dérange. Quand il pisse au lit, il est désolé, lui-même ça le dérange, parce qu'il n'aimerait pas pisser. Vous voyez qu'il a déjà l'esprit pour faire l'effort, pour pouvoir faire l'effort, il faut l'encourager plutôt. Ouais, là, n'est-ce pas, frère? Il dit des peurs qui ne se découragent. Et ceci, nous devons, comme je pense par rapport à mon frère Harry, comme un temps il est le pigeon voyageur au nord, un temps il est au sud, il faut prendre des temps pour pouvoir observer toutes ces choses-là, observer toutes ces choses. Parce que ne faisons pas les mêmes erreurs que les mondains, qui croient peut-être qu'en donnant de la nourriture, en achetant le nécessaire pour les enfants, c'est suffisant. Il y a le moment où l'enfant veut seulement ta présence, mais il ne sait pas comment dire que je veux ta présence. Il y a le moment où ton épouse va vouloir seulement ta présence. Comment pensez-vous que le mondain vous entend que le femme d'un ministre allait coucher avec un pousseur? Comment? Expliquez-moi, avec le chauffeur, comment? Vous expliquez pourquoi? Parce qu'il est toujours à l'extérieur. Après, il va se fâcher, il dit qu'il ne donne pas quoi ici. Souvenez-vous, il n'a pas marié le matériel. C'est toi qui l'as marié. Donc, il faut que vous soyez ensemble pour que de cœur à cœur. Amen. Amen. Amen. Amen. Ne vous aigrissez pas contre elle. Donc, on continue où là maintenant? Je crois que si c'est épuisé ici. Non, mon sein, je n'ai pas encore lu ceci. Vous êtes contents, les frères? Toujours. Vous allez parler les choses douces dans les oreilles de vos femmes aujourd'hui là. frère, puisque la Bible dit que Jésus est notre Seigneur. Hein? Mais c'est terrible, frère. Depuis là, il n'a pas ouvert la Bible pour enseigner ce qu'il veut enseigner. Mais c'est pas, la question n'est pas encore finie. Donc ici, j'ai identifié la question dans la Bible. Donc la cinquième ici, voilà, Dieu merci. Je crois que Dieu, on a lu, qu'est-ce que la Bible vous dit exactement au propos des paniers aux enfants. On a traité cela. Dans l'enseignement, tu as dit que les femmes sont jumelles et Satan, on a traité cela. Les gens qui boivent de l'alcool, on a épilogué sur ça bien même. 5 maintenant. Suite à l'enseignement sur les deux semences, est-ce que par rapport des comportements ou des actes qu'un frère ou une sœur pose, l'on peut déduire et déclarer de quelle semence ou une est? Bonne question. Regardez, n'est-ce pas? Je vais vous citer les personnes. Je crois que ça va citer. Je crois qu'il a touché l'une de ces réponses là tout à l'heure. Entre Ésaü et Jacob, si on regarde physiquement, qui est bien? C'est avec le jugement humain. Qui est bien? Ésaü, pas vrai? Vous commencez à voir la chose, n'est-ce pas? La personne qui est bien, c'est celui-là qui est le nonchalant. Il ne fait rien, il se demande que maman, tiens, préparé quoi. On dit qu'il est sous le jupon de sa mère. Mais l'autre, il a été vaillant, chassé, il nourrit sa famille. Si le jugement humain, ça serait Ésaü qui est choisi comme ça. Mais regardez ce qu'il en est. Tu vois? Donc, si tu prends ce cas-là, suis la Bible, tu vas voir effectivement les gens que Dieu choisit. Si tu veux, il commence depuis le début. Regarde, observe Joseph. Il est toujours comme ça, là, caché, mais c'est à lui que Dieu donne la révélation. Il est comme ça, caché, celui, il est toujours partout, dans les bêtises là-bas dehors. Regarde David, un garçon, un petit garçon au cours de deux. Ces grands-là, Élie, Shama et Colosse comme ça, parce que même, il a failli tromper même le prophète Samuel. C'est pour ça que c'est que Dieu a dit qu'il doucement, il est rejeté. Il n'a pas dit qu'il n'est pas choisi, il dit que je l'ai rejeté. Ouais, c'est n'est-ce pas? Regarde Moïse, s'il faut choisir les gens là-bas, normalement, Corée avait raison, c'est lui qu'on devait choisir. Parce que c'est un guerrier. Mais Moïse est un tueur. Vous avez remarqué avant qu'il ait quitté, il a tué, non? Voilà. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas le comportement qui fait que quelqu'un soit de la semence du serpent ou pas. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui fait qu'il soit garçon ou pas. Il n'est garçon. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a des caractéristiques sur lui qui montrent que c'est sûr, c'est un garçon, c'est une fille. Même s'il dit que. Regarde au milieu là pour voir ce qu'il y en a. Si quelque chose pense que c'est un garçon. Vous essayez, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, par rapport à ce qui est de la Bible, parce que Dieu dit, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, le Seigneur a cette parole qui est sœur de sceaux. Il connaît ce qui lui appartient. Mais maintenant, Dieu peut donner la grâce à ses serviteurs pour connaître. Dieu peut donner, dans certains cas, la grâce à ses serviteurs pour connaître. Avant que Moïse ne dise, efface mon nom dans le livre de vie que tu as écrit. Il n'était mentionné nulle part qu'il y ait un livre de vie. Avant que Moïse ne dise dans Exode chapitre 30, lorsqu'ils ont fait le veau d'or. Celui qui est descendu, quand il a commencé à causer avec Dieu, quand il a dit, efface mon nom dans le livre que tu as écrit, c'est là que nous avons le renseignement qu'il y a un livre avec le nom qui sont écrits. N'est-ce pas? L'apôtre Paul aussi dit de Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Lisez le verset 2, frère. J'exhorte et vous dis. J'exhorte Celtic à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Oui. Et toi aussi, fidèle collègue, lui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre. Comment l'apôtre Paul savait? Alléluia. Il dit, il y a certainement certaines choses que je n'ai pas permis de parler encore. Certaines choses qui n'est pas permis de parler. Il y a des serviteurs qui peuvent savoir distinctement parce que la naissance, Dieu le révèle. D'autres personnes qui ne peuvent pas savoir. Par exemple, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, il donne le renseignement qu'il y a plusieurs entités qui sont dans le monde, c'est-à-dire la dernière heure. Il dit qu'il y a plusieurs entités, il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Ils étaient au milieu d'eux. Mais ils pouvaient s'appeler frère. C'est pour ça que la Bible parle de l'expression faux frère. Donc ils sont au milieu, parce que leur nature, leur manifestation commence à se faire connaître. L'apôtre Jean donc dit, ils sont sortis du milieu de nous. Cela a été manifeste afin que tous, ça fût manifeste que tous n'étaient pas des nôtres. Donc, quand ça s'est passé, on s'est rendu compte que tous n'étaient pas de nous, jusqu'à ce que cette épreuve-là se passe. Ceci devait nous faire comprendre ces choses-là, quand on dit qu'un serviteur de Dieu s'est détourné plus tard. C'est pas ça, c'est sa nature. Comme nous disons hier par rapport à ce type de papier qui produit des fleurs. Là. Quand ça grandit, c'est un jeune âge, là, tu Tu ne peux pas dire si oui ou non, c'est un papayer. Mais lorsque ça va produire des fruits, que tu vas vraiment remarquer que celui-ci m'a déçu. J'ai passé mon temps seulement à arroser ça pour rien. Regarde tout mon temps qui est passé là-bas. C'est là que tu te rends compte que c'était un faux serviteur. N'est-ce pas? Mais dès le départ, ça imite le vrai papayer. Mais aussi, c'est à la production qu'on va voir maintenant le fruit. Donc, pour regarder si oui ou non c'est de la semence, observe seulement le fruit. Pas le caractère. Le caractère sont différents totalement du fruit. Fais attention. Parce que les caractères sont intrinsèques à l'être humain. C'est pour ça qu'il dit que si vous regardez sur les dispensations, sur le jugement de l'être humain, le caractère d'Ésaü et de Jacob, c'est Ésaü qui gagne. Si on regarde, c'est pour Moïse et pour Corée, c'est Corée. Si tu mets Jésus là, tu mets les pharisiens là-bas, les pharisiens gagnent Jésus par rapport au caractère. Mais le fruit, c'est Jésus. C'est ça, frère. Voilà. C'est ce qu'il en est. Oui, frère. Bon, frère, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des manifestations de fausses semences? Des fausses semences. Donc, il y a les manifestations. Je peux en citer des tas là-dehors. Ce n'est pas mon rôle de citer. Mais si on les dit tout simplement ceci. Puisque l'amour, la Bible déclare, on nous a mis dans les brigades que l'amour ne soupçonne point le mal. Jusqu'à preuve de contraire, tu appelles quelqu'un frère. C'est simple. Bon, puisque mais la Bible déclare qu'on besoin se méfie des faux frères. Même si il faut prendre garde, il faut veiller. Il faut aussi se tenir compte du fait que l'amour ne soupçonne point le mal. Oui, pose la question. Bon, c'est par rapport à la question de la sœur, au fait que je pose la question. Parce qu'elle demande si on peut reconnaître distinctement que telle est de la bonne semence, telle est de la mauvaise semence. Avant que je demande s'il n'y a pas des manifestations de fausses semences aussi. Bon, prenons un exemple. Oui, naturellement, il y a les fausses semences. Il y a nécessairement les fausses semences et la fausse semence n'ira pas loin et ça sera au milieu chrétien. On est d'accord, n'est-ce pas? Prenons un exemple. Une jeune sœur peut-être qui vient au milieu de nous et qui commet la fornication parce qu'elle n'a pas encore été bien enseignée. Si elle fait la répétition, la fornication en répétition, qu'est-ce que vous allez conclure? C'est qu'elle a la fausse semence. Mais la personne qu'elle a attrapée de sein, qui a même cru que la femme de son père, il était de la fausse semence. Hein, frère? Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 5. Cette personne était de la fausse semence. Non. Voilà. Vous savez très bien qu'il s'est repenti, n'est-ce pas? Vous savez qu'il s'est repenti. La Bible dit qu'il s'est repenti, non? Hein? Non. Comment faites comme ça? Hein? La Bible dit qu'il s'est repenti. C'est pas ça, frère? Non, la Bible ne dit pas distinctement qu'il s'est repenti. Je suis d'affirmer, je vais seulement savoir si oui ou non, tu sais que la Bible dit qu'il s'est repenti. Ça, on le savait pas. C'est ça l'objet de sa deuxième lettre. Il a dit effectivement qu'on m'a dit que ma lettre a produit la tristesse, que cette tristesse-là se rend Dieu, on ne se répand pas de cela. Il dit que à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Donc finalement, la personne a demandé pardon. C'est ça qu'il a fait. Vous voyez, parce que les gens ont accueilli la lettre, ils ont demandé pardon. La personne s'est repentie. Donc il faut faire attention. Remarquez bien maintenant pour vous considérer, pour vous montrer certaines choses. Dans le livre de Matthieu chapitre 18, le Seigneur Jésus a parlé de la résolution du conflit, par exemple, au milieu chrétien. Il a dit si ton frère a péché contre toi, va et reprends le seul. S'il accepte, tu as gagné ton frère. Pas pour dire que j'ai gagné. C'est pour dire que tu l'as préservé de ces choses-là. S'il ne comprend pas, prends-en deux ou trois personnes afin que les choses soient réglées sur la relation de deux ou de trois personnes. Si la première étape a échoué, ou bien la personne n'a pas voulu accepter la résolution, la deuxième étape n'a pas voulu accepter, on le prend au milieu de l'assemblée. C'est pour ça que Dieu dit à Timothée de reprendre pour les anciens, pour ceux qui dirigent, s'il pêche, il faut le prendre au milieu de l'assemblée. C'est au milieu de l'assemblée qu'on doit reprendre. Mm-hmm. Frère, tu ne t'es pas posé. Alors, si première étape, seul, ça ne marche pas. Deuxième étape, deux ou trois personnes viennent pour régler, ça ne marche pas. Troisième étape, l'église réunit pour résoudre le problème. Tu ne veux pas. La Bible est claire et c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est pas une apôtre pour qu'on dise que peut-être c'est une pensée humaine. Jésus a dit que quoi? Un publicain. Tu sais ce que ça veut dire, frère? Et à cet instant-là, la décision de l'église est réglée en haut. Donc, ça veut dire que si tu pars là, tu pars errer le corps, tu ne pas là-bas, tu chantes les cantiques, tu as déchanté ta part. Vous savez ça? Voilà la Bible. La Bible déclare dans le livre de Tite chapitre 2 que nous avons lu ici la dernière fois, dans Tite chapitre 3, les versets 8 à 11 là-bas, donc versets 11 à 13 particulièrement, il dit que éloigne après une première et un deuxième avertissement, ceux qui créent de la division, sachant que c'était hommes sont pervertis. Ils ne savent pas en plus, mais leur propre ventre. Avertissement. Mais pour cela, il faut qu'on reconnaisse l'autorité établie comme prédicateur. Parce que si on est dans le libertinage comme ça, comme les gens font là-bas, on n'est pas qui fait la campagne, ça ne marchera pas. Qui peut donc venir sur la radio par exemple? Sur la radio, c'est le libertinage. Chacun vient faire sa part, chacun vient faire le business. Ils savent que c'est le business qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'un apôtre peut entrer dans ce business pour dire que les apôtres, taisez, vous faites ces choses-là? Ne faites plus ces choses-là. On n'a pas. Chacun se dit apôtre. On dit que toi, tu es qui pour gérer un serviteur d'autrui. C'est ce que la Bible dit. Ils disent serviteur d'autrui. Ils ne disent même pas serviteur de Dieu. Ça va? Voilà. Je crois que c'est fini là. Bon, voici ce qui se passe. Je lis dans la question 2 qui est là, sur la première personne, ici, sur la première personne. Est-ce qu'une femme chrétienne doit bâcher? Pourquoi le mot bâcher? Je vais lire la question autrement. Est-ce qu'une femme chrétienne doit monter sur une moto? C'est la question même, avant d'être bâchée. Bon, je pose la question. Ça sort d'abord d'où que la femme ou une homme va remonter sur la moto? Je veux que vous me dites où? Qui a dit? Le problème de moto sort d'où? De qui? Je suis silencieux, c'est maintenant. Non, il dit qui a dit cela? Pourquoi tu ne veux pas la vache? Il dit pourquoi le problème de moto? Je dis pourquoi? Mais qui? Ça sort de quelle prédication? C'est moi qui ai dit? Qui alors? Il demande qui? Juste une question. C'est normal, tu as de dormir les plus comme moi. Il dit que n'est-ce pas? Est-ce qu'une femme chrétienne doit monter sur la moto? Je voulais seulement dire que pourquoi la question? Je voulais savoir le fond. Est-ce que, pourquoi on te pose la question? Est-ce que maintenant on monte sur la moto? Dans ce cas, pourquoi tu me poses la question alors que tu montes? Qu'est-ce qui a commencé à ce que on commence à se poser la question s'il faut oui ou non monter? Ça là, la question, parce que j'ai une réponse qui m'est donnée derrière. C'est n'est-ce pas? Voilà, alors la sœur. Non, elle n'est pas obligée. C'est pas on a dit qu'elle s'était, elle demande à son mari. Elle n'a pas demandé à son mari que pourquoi même. C'est pas ça, frère. Et le mari, lui, elle a seulement donné la. Voilà. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est si. Parce qu'en fait, il pose la question parce qu'il sait pourquoi. D'accord? Quand un serviteur de Dieu vient dire quelque chose, il parle par l'autorité de Dieu, ça ne doit pas se discuter, normalement. Ça ne doit pas se discuter. Parce qu'il a dit que Dieu a dit ceci. C'est pour ça que j'en ai posé la question, la personne dit telle chose. Et donc moi, je vais aller là-bas, je vais lui demander que j'ai mes soeurs là-bas qui me posent la question comme ça, comme ça, comme ça. Je veux que tu me donnes une réponse claire. Parce qu'il n'a pas donné une réponse claire. Il dit que if you have not known that it's a sin, let me tell you now that it's a sin. Donc c'est une déclaration fracassante. On est d'accord, n'est-ce pas, frère? Vous disiez que Tchabda est radical. Tu ne sais pas, ça fait quand même le péché. Si tu bois le poison là-bas, ça va pas de ce poison, ça va quand même te tuer, frère. Comme tu es entré là, si tu avais sorti là, tu bois, il y avait un verre là-bas qui brillait, que c'est l'acide qui est dedans, tu buvais, ça doit être toléré. Donc le fait que tu sois ignorant, ça ne veut pas que ça tolère. Romains chapitre 14. C'est ça, on a dit qu'on devait revenir, non, frère. Que Dieu vous bénisse, vous avez des très grandes questions ici. Romains chapitre 14. Alors maintenant, les gens peuvent prendre. Je dis c'est vrai, même à eux, je n'ai pas expliqué. C'est vrai que peut aller dans la Bible, vous prouve que c'est le péché. Vous pouvez prendre le Rebecca qui a monté sur l'âne, c'est votre problème. Mais souvenez-vous, je vous ai montré une vidéo ici, on a dit que pour qu'une femme monte sur un vélo, et autre, il fallait l'autorisation de la préfecture. C'est pas ce qu'on avait lu. Ça, c'est chez les païens. Ça devait vous réveiller quelque chose. Frère, moi, je venais même de croire, j'avais même pas la révélation, ça m'est jamais été dit. Oui. Tu as fait la dictature, frère. J'ai dit que non. Oui. Je vous ai dit que foncièrement, la femme, même sans être possédée, est têtue. Donc, vous pouvez voir une femme qui a des problèmes comme ça, vous dites qu'au nom de Dieu, sort de son corps, alors que son esprit, donc tu veux chasser son esprit par où? Il faut seulement amender un peu et travailler plus son esprit. Chapitre 14, verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Vous avez vu ça, frère? Puis le Seigneur vous donner de garder ces versets particulièrement ici dans votre milieu. D'accord? Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Si vous remarquez la façon que je traite les gens qui viennent, quand par exemple les femmes comme cette fille qui est venue la dernière fois qui ne connaissait pas ces choses ou bien qui connaissait qui philosophait, vous remarquez bien la façon que je fais, ils progressent doucement avec cette personne. Avec un pasteur, il ne passerait pas de passer sur les chemins. Il dit avec un pasteur, il ne touchait pas avec le chemin, je vais monter le niveau. Avec quelqu'un qui est sorti de la théologie, il va, il a le corps pastoral, là encore, il aura un problème. Mais quand c'est quelqu'un qui sait que cette personne va à tel endroit. Remarque, je parle, il dit que on t'a déjà dit que Dieu ne regarde pas seulement, Dieu regarde seulement au cœur. Il dit oui. Il dit que on t'a dit telle ou telle chose. Il dit oui. Parce que la prédication qu'elle a suivie. Il veut seulement susciter pour confronter ça là ici, avec la prédication, il l'a laissé maintenant pour que le Saint-Esprit puisse la traiter. Maintenant, si il dit que je ne suis pas d'accord, sors. C'est pas comme ça. Et le moment où les gens entrent là-bas, ils s'assurent, même si elle vient une, deux, trois, quatre, cinq fois sans foulard, ne la dérangez pas, laissez-la tranquille. Laissez-la vraiment tranquille, prier. Un de ces jours, il va venir là-bas, vous allez voir le foulard. C'est toi qui as dit aujourd'hui que tu as trouvé pas le foulard, non? Quelqu'un de là contre le colbosse là-bas. N'est-ce pas, c'est elle qui a fait comme ça? Elle est restée au colbosse. C'est sûr qu'elle a écouté la radio, elle a senti. Parce qu'hier, avant-hier, elle a dit que Titre chapitre 1, verset 15, la réponse que lui a été donnée, elle a compris que c'est donne encore l'autre aujourd'hui, elle risque d'avoir mal au ventre. Nous, elle a dit que tu t'es plus brûlé, puis il dit que bois le poison, sanctifie le poison, tu bois. Donc, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discute pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que je veux que vous saisissiez maintenant, parce que ici, une fois de plus, comme tu as parlé de l'achèvement, pendant que nous sommes de lire directement au moins 5 versets bibliques des différents passages sont venus. On va en prendre un et vous allez voir ce qu'il en est. Oh, merci Seigneur. Maintenant, je vais seulement citer. Ici, il dit, verset 3, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Maintenant, il dit, qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? Souvenez-vous, il n'a pas dit un serviteur de Dieu. Souvenez-vous de cela. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait, restons d'abord ici avec le sujet de manger. Si vous lisez dans le livre de Timothée, il va dire quelque chose sur l'amour, le même apôtre. C'est ça le vrai problème. Vous voyez qu'un tel parle de femme ici, un tel parle comme si c'était à l'égalité ici, un tel parle même la distinction. Il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il a traité des notions différentes. Même si il utilise les mêmes mots. Il utilise ici femme. Ceci est haut d'abord. On peut dire que le mari est le chef de la femme. C'est écrit le mari est le chef de la femme. Ici, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est comme si ça semble être égalité ici et ici hiérarchique. Il ne peut pas en même temps égalité, en même temps l'autre est plus grand. Donc il faut comprendre que c'est des notions différentes. Ici, il y a des notions concernant la nourriture. Dans 1 Timothée, va dire que par rapport aux doctrines des démons qui vont venir, il dit prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Action de grâce. Puis il va dire que tout est. C'est ça, non, qu'il a dit, n'est-ce pas? Après, il dit qu'il doit être pris avec action de grâce par ceux qui ont connu la vérité. Après, il dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, en principe, d'après ce verset-là, on doit manger de tout sans avoir à distinguer quoi que ce soit. N'est-ce pas, frère? Maintenant, revenons sur le Seigneur Jésus. Lorsque dans Matthieu chapitre 15, on lui dit que ses disciples mangent sans se laver les mains, qu'est-ce qu'il leur a dit en résumé? Ce qui entre ne souille pas. Ce qui sort. Fermez d'abord la Bible. On va d'abord laisser Romains chapitre 14 parce qu'il faut que je vous trouble un peu. Puis je vous laisse d'après Romains 14 là comme ça. Fermez la Bible, je vais vous expliquer quelque chose. En citant tout ce que le Seigneur Jésus a dit avec l'apôtre Paul, je vais vous citer quelque chose. Suivez attentivement. Tout est pur pour celui qui est pur, mais rien n'est impur pour celui qui est souillé. N'est-ce pas? Jésus, notre Seigneur, dit dans Matthieu chapitre 5, il dit que ce qui entre dans la bouche de l'homme né, c'est ce qui sort. Frère, si le frère, si en montant les escaliers, sort avec la cigarette, il entre, il a dit que bien aimé frère, n'est-ce pas, tu seras choqué en ouvrant la porte. Hein, mon frère? C'est pas ça à fond. Si tu montes là tout à l'heure, là, tu vois le frère s'en défumer, tu as dit que là, tu vas prendre le bim, en vrai, bim à frère, au frère que l'autre a fait une offrande à la fois. C'est pas ça. Hein? Avec cela, je repose la question. Ce qui entre dans la bouche, est-ce que ça ne souille pas? Répondez, ma frère, répondez. C'est pour ça qu'ils ont fait la plus grande cause. Il recommence encore. Le Seigneur a dit, ce qui entre dans la bouche, ne souille pas, c'est ce qui sort. La cigarette entre, non? Hein? Si tu prends déjà la cigarette, c'est qu'il n'est même pas d'abord pu. Qui n'est pas? C'est qu'il n'est pas pu. Donc, est-ce que le Seigneur dit que quelqu'un soit pu avant de faire entrer quelque chose? Parce que faut être dans le contexte, non? Faut être dans le contexte de la parole. Il est plus de celui qui est pu. Mais ce qui est pu maintenant, c'est celui qui a accepté la parole. Et la parole dit clairement dans 1 Corinthiens 3, 16 que nous sommes le temple. Non, j'arrive là-bas, allons doucement. Je suis allé dire ceci. Jésus a dit que ce qui entre dans la bouche ne souille pas. Quelqu'un voit ça comme ça. Il parle de chrétien, il parle pas de mondain. Il voit ça comme ça là. Il prend la cigarette comme ça. Le Seigneur. Parce que ça ne souille pas. Parce que ça ne souille pas. Puisque le Seigneur dit que c'est ce qui entre, c'est ce qui sort qui souille. Il a dit que c'est de l'intérieur qui vient de meurtre au là-bas. Il dit que voici la cigarette. Qu'est-ce que tu en dis, frère? Non, si on dit que ça suit, c'est qu'on remet la parole du Seigneur en question. Non, on a laissé de poser des questions. Je suis dit que toi, si tu vois quelqu'un comme ça, est-ce que Jésus a-t-il raison de dire que ce qui entre dans la bouche ne souille pas? Non, là je dirais. Donc Jésus avait mal parlé, alors tu veux remettre notre Seigneur en question? Là je dirais non. Ok. Là, au mieux, le Seigneur, ou bien on n'a pas bien compris le Seigneur. On n'a pas bien compris le Seigneur, n'est-ce pas? Ok, maintenant, supposons maintenant, j'ai pris le cas de Seigneur. Supposons maintenant que quelqu'un prend plutôt l'alcool, il dit, puisque ça se trouve dans le livre de Romains, chapitre 14, si, que ce qui est en alcool, il ne suit pas l'alcool, il peut prendre n'importe quoi, l'alcool. Puisque l'alcool, Jésus n'a pas dit l'alcool là-bas, puisqu'il buvait, il mangeait. Et il a dit là-bas que ce qui entre ne suit pas. Et l'Ancien Testament enseigne clairement que ces choses se souillaient parce que c'est des choses impures. Qu'est-ce que le Seigneur nous fait croire? Dans le contexte, Jésus parle plutôt de. Puisqu'il va leur dire que c'est pas se laver les mains, donc même s'il y a. C'est pas les microbes, c'est pas se laver les mains qui vont respirer. Tu es sûr que si les enfants rentrent, quand ils mangent, ça c'est la leur, mais il n'y a pas la maladie à l'intérieur, frère. Tu salues seulement quelqu'un là-bas comme ça, là, tu fais comme ça, tu commences à faire tchir. Ça, c'est rentré, pas vrai? Dans la Romains 14. Après, je crois qu'il y a l'enseignement sur les sacrifices aux idoles, quelque chose comme ça, les funérailles. Et 1 Corinthiens 8, on parle de manger les viandes sacrifiées, de manger les choses aux idoles. Remarquez encore ce que l'apôtre Paul dit là-bas. Il dit que, frère, courage, d'accord. Il n'était pas facile au garage. La chair, tu sais, dit que frère, je dis que il a déjà fait ça. Dis que la chair, dis que frère, tu sais que la chair est faible. Tu sais, c'est les versets qui peuvent concorder pour soutenir ça, la thèse. Donc, je te dis que dans Romains chapitre, dans 1 Corinthiens chapitre 8, il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Puis il dit que nous savons qu'il n'y a pas d'idoles dans le monde. Frère, il n'y a pas d'idoles. Quand il dit ça, la plupart des gens disent, frère, petits enfants, gardez-vous des idoles. La Bible dit qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Mais là, si quelqu'un prend ces deux versets, il va vous dire que voici la Bible qui dit qu'il n'y a pas d'idole. Ici, il a dit que, après avoir dit que, il a dit à 1 Corinthiens chapitre 4, dans 2 Corinthiens, il dit que si notre évangile encore voit, il est voilà pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ces siècles a aveuglé. Il dit que ce qu'il est des êtres qui sont appelés soit dans le ciel, soit sur la terre, Dieu, pour nous, n'existe qu'un seul Dieu. Puis il parle, il dit que les gens qui appréhendent encore la nourriture comme si c'est sacrifié pour les idoles, pas que les idoles, frère, le tout, parce qu'on va commencer à faire des bruits là. Alors, l'apôtre Paul explique là-bas que la nourriture qu'on veut donner pour le sacrifice pour les idoles n'est pas quelque chose. Mais il dit qu'il ne veut pas qu'on soit en communion avec. Ça veut dire qu'il veut dire que les esprits, il y a un esprit derrière ce qu'on appelle idole là. N'est-ce pas, frère? Et il ne veut pas qu'on soit en communion avec cette idole là. Non, ça va passer par ici là. C'est parce qu'il y a la lumière. Comment c'est, frère? Donc il y a plusieurs choses dans la Bible, c'est qu'il faut laisser les choses dans le contexte. D'abord, il faut comprendre ce qu'il a déjà dit dans le livre de Romains chapitre 14. Ce qu'il a dit, il touche beaucoup de notions là-bas. Puis il dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. J'aime ce verset-là. Après, dans 1 Corinthiens, il va dire que ça ne se discute pas chez les païens, pas chez les croyants. Que dans les églises, on ne discute pas. Et maintenant, si une seule dit prend ce verset que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché, il te plante ça à la figure que je ne suis pas convaincu que le fleur est là-bas. Pourtant, là-bas, c'est un commandement. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Elle va dire que la Bible va dire que tout ce qui n'est pas fruit de conviction. Et on balance ça à chaque fois à la figure. Que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Mais en disant par rapport au foulard, peut-être que la Bible va venir développer le foulard, dit que si ça se discute, ça ne se discute pas. On ne doit pas combattre verset après verset. On doit plutôt réunir les versets pour regarder à la lumière ce que ça dit totalement. C'est pour ça qu'il prend le verset par rapport à la cigarette. Il prend cela, je prends Matthieu chapitre 15. Ça se pose qu'il faut les réunir ensemble pour comprendre chaque fois ce que Dieu en train de parler. Dans Jean chapitre 13, il va parler de l'apôtre Pierre. Quand il va vouloir laver les pieds de l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre va dire que non, tu ne peux pas me laver. Il a dit que si tu es là, tu ne vas pas parler avec moi. Il a dit que, ok, c'est comme ça. Là, on va tout le corps. Il dit que non, celui qui est là purifié n'a besoin que de laver les pieds. Comment pas de purification? Il a déparlé cette purification aussi, c'est déjà quand les gens disent pour monter au livre que lave un peu mes pieds pour ne pas salir leur maison. Il ne parle pas de la purification qui s'agit en consiste par rapport au nettoyage du péché. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Maintenant, regarde maintenant dans le livre des Jean, chapitre 15, toujours, verset 3. Il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai prêchée. Ici, la purification n'a plus rien à voir avec la purification. Là. Ici, il parle du nettoyage, de la sanctification. Je sais, vous comprenez? Donc ces choses-là, il faut regarder la Bible, en allant la Bible, il faut prendre les versets pour les mettre ensemble. Sinon, tu vas dire que l'apôtre Paul a dit que je sais, il a dit qu'on mange de tout. Ici, il a dit qu'on ne mange pas. Il faut faire attention. D'accord, mon cher frère? Donc, en somme, Romains chapitre 14, par rapport à ces trucs de l'alcool, vous pouvez encore ajouter même 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, il dit que tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais il dit qu'il ne se laissera pas asservir par quoi que ce soit. Donc c'est nous qui devons avoir le contrôle sur les choses, pas les choses qui doivent avoir le contrôle sur nous. Et même le roman 14, Voilà, voilà le verset profilé des végétariens. Il va prendre ça, il va prendre Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. Tu dis avant ce que chapitre 6, on a dit qu'on mange de viande maintenant. Il a dit non. Il dit non. Il va sortir tout genre d'explications pour dire qu'il y a de ces choses, des protéines excès dans la viande pour essayer de scientifiquement pour le montrer. Tu dis, il faut le dire que c'est Dieu qui a tué les viandes dans le nombre chapitre 11 pour que les gens mangent des gars. Que manger, ils ont mangé quand c'est sorti dans le lit. Donc Dieu savait de quoi il était question. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Avec nous, bénissons ton Saint-Nom aujourd'hui. Dieu avec nous, alléluia.